Retro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 27e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yeah. Yes! Yeah. All right, hey, on a des invités. Eh oui, oui. Regarde ça s'ils sont propres. Eh oui, Jean-François Major et Yannick Bézil de Tribute Games. Ça va les gars? Oui, oui. C'est bienvenue. Yes, bienvenue. Approche un petit peu de ton micro, Jeff. Okay. Faut vraiment que tu parles dedans. Sinon, vraiment, tu l'embrasses. Proche, proche, proche. Embrasse tu peux même le débarquer comme ça, là, puis être un MC. Là, si tu veux. Tantôt qu'on va être rendu sur la table, c'est... Yes, fait que bienvenue les gars, puis fuck, hein, ça, il fallait qu'on invite du monde. Oui. Pour qu'on ait un problème d'internet. Exact. Merde. Fait que le show est pas live malheureusement ce soir parce qu'Internet suit pas, je sais pas pourquoi. Mais présentement, les personnes qui écoutent le savent qu'il est pas live. Ouais. Ça fait pas de différence parce qu'il l'écoute en différé. On a reçu un télégramme qui dit que les internets sont brisés. Un télégramme du futur. On peut rien faire. Ah non, c'est, ben, on fait juste rappeler aux gens qu'on est désolé. Internet a manqué. Fait ben qu'il oui. Il n'y a pas eu de live. C'est pas de notre faute. Mais le show est là pareil. Puis, En fait, c'est l'augmentation de 2$ de Vidéotron. Ouais. J'ai décidé de pas payer ça, moi, quand ouais, même. J'ai fini de me faire fourrer. Ça arrête là. Non. Bonne décision, Dom. Bonne décision. Merci. Le move de l'année. Fait qu'avant de commencer sur Tribute et puis leur dernier jeu, on va juste faire notre intro rapide. Mais oui, oui. J'ai annoncé aujourd'hui que je quittais la vente de jeux vidéo rétro. Ben oui, hein? Ouais. Fait que j'avais ça en tête depuis un bout. Puis bon, là, je repasserai pas au travers tout ça, mais j'ai fait une vidéo explicatif. Puis, un très beau vidéo. Ouais, l'image est... En tout cas, je fais ça avec mon ordinateur, là. Mais ouais, il y avait de l'émotion. Pour vrai, il y avait de l'émotion. Sérieux, là, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que ça faisait de quoi, quand même. Ah, ben mon deuil était déjà pas mal fait, là, je te dirais. J'étais un peu brûlé de tout ça, là, mais non, c'est quand même. Ça faisait des années que je faisais ça. Hey, ça faisait un bout. C'est vraiment le moment, là, ces temps-ci, que genre, je quitte des affaires. T'as été, oui. Ouais, mais l'autre affaire, tu l'as pas vraiment quitté. Tu t'es fait sacré dehors. Ben, en fait, j'ai quitté. La puis vie je me suis pousse. Laissé, puis je restais là le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on me bannisse. Je savais qu'en faisant ça, on allait me bannir. En fait, on pourrait quasiment dire que c'est les revendeurs qui t'ont banni de la vente de jeux, tu sais, c'est eux autres qui t'ont poussé à quitter. Ouais, il n'y a même pas de revendeur tant que ça sur le CCJVQ, mais c'est ça que tout le monde pense. Ah ouais, si tu passes tes puces sur le CCJVQ, il faut que tu fasses boutique. Le monde font des liens, là. T'es-tu malade, t'sais? Ça m'a jamais amené aucune business, là. Ça m'a amené des amis, tu sais, ben ce oui, club-là, c'est ben ça que ça m'a amené. Fait que, en tout cas, vite, là, j'ai arrêté ça parce que les prix sont rendus vraiment chers. Il y a tellement de revendeurs partout. C'est pratiquement impossible. Ben, c'est possible d'avoir des jeux, mais il faut que tu cours après, tu sais. Pas mal. Puis moi, j'ai quand même une job à temps plein, puis j'ai pas de temps à perdre à faire le peddler, man, à acheter des jeux à 10$, à 100$. Des jeux qui valent 100$, les acheter 90$ pour crosser le monde et essayer de les vendre 130$, tu sais. Ouais, c'est pas mal rendu là, à cette heure-là, si tu veux faire un profit avec ça, vite fait. Mais tu sais, j'avais quand même une bonne clientèle. Je vendais du screening, là, des ice hockey, des baseball stars, tout le monde veut ça. Mais, tu sais... Puis merci à tout le monde qui sont venus, mais je vais tout le temps être reconnaissant à mes clients. Mais je donne juste un petit exemple. Tu sais, mettons, le gars, il vient, il jase 45 minutes, c'est bien le fun. Puis il achète un jeu à 10$. Ben, moi, je fais 5$ dessus. 6$. 5$, puis t'as un 45 minutes que t'as pas sur ta job de jour. Parce que ma job est mieux payée que ça à l'heure. Ouais. Puis ça me stresse. Moi, de... Au moins un 6$ l'heure. Là. Au moins, je gagne au moins ça. Je gagnais ça quand je ramassais des rushs, je faisais les foins quand j'avais 12 ans. Fait que je le gagne encore au moins. Là, c'est la saison des fraises, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai cueillir des fraises, moi, là, pas de temps. Back to basics, y'all. Fait que c'est ça, tu sais. Si j'avais une boutique, puis c'était ma vraie job à temps plein de vendre des jeux, tu sais, j'aurais continué. Ça, puis j'aurais été fou raide là-dedans, puis j'aurais jasé avec le monde, puis tout, chose que je faisais déjà. Ben oui. Mais là, c'est en même temps que ma job, puis bon. Fait que c'était un rendu trop de gestion versus les profits, puis ça me prenait pas mal d'énergie. Puis j'ai pas beaucoup d'énergie disponible, fait que je vais la réutiliser sur Arcade Montréal. Ouais. Puis on va booster ça encore, ce beau projet-là, puis pour Rétro Nouveau. Fait que oublie pas ton CrossFit aussi. Il faudrait. Ton projet de CrossFit, man, t'en parles depuis des années. Il faudrait que je m'y mette. Sérieux, je suis pas en shape, man. Je monte des escaliers en parlant, puis je suis comme ben essoufflé rendu en haut. Là. C'est dégueulasse. Ça s'appelle vieillir. Ah, je sais, je fais plus de sport. Ça, c'est pathétique. Fait que... T'ouvres ta porte, tu mets une barre là-dessus, mon gars. Là. Ouais, mais c'est pas des muscles que j'ai besoin, c'est vraiment du cardio, man. Du cardio, faut que je cote. Ouais. Du cardio. Fait que, achète-toi la machine de Sonic qu'ils ont au Japon, man. Il y a une machine de Sonic au Japon, là, c'est Sonic Run, genre, tu cours comme un esti de malade, pareil comme sur un tapis roulant, en fait. Tu cours très vite, puis t'as des obstacles, puis tout ça. Sauf que tu cours. C'est une machine d'exercice, mais c'est Sonic. Batarnache. Qu'au Japon, ils savent comment pas s'emmerder. Les arcades de Bessic aussi, qu'il faut que tu pédales vraiment trop pour rien, là. Oui, enfin, oui, ça oui. Met en forme, puis ça te frustre. Ouais. C'est des belles idées, ça. C'est des belles idées. Je pourrais mettre ça ici. Tu la mets dans le panier, whatever. Non, je vais y passer. Bon. J'ai pas le temps de courir après ça. Mais c'est ça. Donc, pour voir la vidéo, allez sur la page Facebook de Papa Cassette. Je l'ai pinée en haut. Puis c'est sur YouTube, là. Donc, ça explique tout. Fait, je ressentais besoin de faire une vidéo parce qu'on me pose bien la question, tu sais. Fait que ça... Ouais, fait que là, tu dis, écoute la vidéo. Ouais, je forward le lien. Donc, voilà. Mais comme je dis aussi, Papa Cassette est pas mort. Ça, c'est juste comme de non, quoi que je faisais que je décide de plus fait faire. C'est un pseudonyme. T'es solide devant nous, t'es pas un fantôme. Ben, c'est ça, c'est ça. J'ai pas fondu. Je cesse la vente. Ouais, c'est ça. C'est dans Back to the Future. Il disparaît des photos. Tu témoins que t'es encore en vie. Comme dans Robocop, celui qui fonce dans l'acide, là, je commence à aller des doigts pendre puis je meurs. Parce que le monde commençait à se douter. Ah oui, c'est ça. Léon Nash. Ce que tu sais pas, c'est que c'est un peu comme Weekend chez Bernie, tu sais. Dominique, il est mort depuis plusieurs années, tu sais. Bruno, au moins, GF, on le maintient en vie, on manipule. GF fait une job de mongol. Ah ouais, tu sais. Saviez-vous? C'est des fils en arrière. Ouais. En fait, c'est pas. Ah ouais, non, je te dis le vrai truc. C'est pas des fils. C'est des fils de bateau. Tu mets ta main quelque part, puis tu le fais. Bon. Okay. Ben, en fait, des fois, c'est mes mains, des fois, c'est d'autres membres. Mais en ce moment, c'est pas mes mains. Bon, ok, on va revenir. On va revenir au sujet, s'il vous plaît. Ouais, les gars. Puppeteer, on parle de mains, puis de fesses. Ok. Donc, ben, c'est tout. Next. All right. Ben, sinon, next. Moi, je remercie Jean-Philippe André qui nous a fait un don live à la dernière. Ben, il y a deux soirées Papa Cassette dans le Nintendo World Championship. Oui. C'est lui qui a gagné d'ailleurs. C'est vrai. Excellent, ouais, Jean-Philippe. Merci shout beaucoup out. Ton don en rétro nouveau en personne. Toujours le fun d'essayer ben oui. De changer de l'argent devant du monde. Je veux faire un don, mais là, c'est du gossage. Je sais pas trop quoi faire. J'ai dit, ben, va voir JF, donne-y direct. Ah, c'est lui qui achète le stock. C'est lui qui achète le stock. Il me dit ça. J'ai dit, c'est moi qui achète le stock. Donne-moi ça. Ouais, que, merci beaucoup pour ton gentil, don. Très apprécié. Puis merci à tout le monde qui ont fait des dons uniques aussi génial. Sur PayPal les dernières semaines. Très apprécié. Merci ouais. Aussi à tous les patrons. D'ailleurs, Segway. Oui, je change monsieur. La caméra, Bruno, je mets ça sur toi en ce moment. Fait qu'encore une fois, Channel Summoning Pierre Lapointe. Eric, voyons. Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Excuse-moi. Pas Eric. Non. Scuir est pas là. On n'a pas assez d'argent pour se le payer. Ah, il habite pas loin en plus. Hein. Non, il habite pas loin. Il habite dans Schlager. Hein. Christ. Ben oui, man, il habite direct sur Parthenay. Ah ouais, sérieux. Coin Rouen. Il parle quand tu restes, ça sonne comme une raffinerie. Ah, mais c'est un coin du peuple. C'est un coin du peuple. Bon, mais ouais, un homme cool guy. Lui, c'est ça qu'il a dit. Moi, je m'en vais pas à l'île des Sœurs, là, ni rien. J'habite avec le monde. C'est-t-il. Fait que voilà, il habite. C'est un vrai. Cool guy. Cool guy. Wow. Ok, fait que le poème Patreon de cette semaine, excusez la bière, est à Guillaume Aussant. Oh là là, Guillaume, ton doux parfum arrive sur nous comme un baume. Oui, mon ami, telle une gazelle dans nos cœurs, tu as bondi. Mon cher Guillaume, je ne sais pas si tu écoutes la station Chaume, mais ils n'ont pas besoin de tes sous, ils sont pas pauvres comme nous. Guillaume, tu es sûrement plus gentil que Nicolas. Quand tu joues à contrat dans le niveau à la verticale, ils te laissent en bas. Oui, mon ami, j'ai perdu toutes mes vies. Parce que Nicolas monte trop vite, le mot t'a dit. J'ai joué à... Excusez. J'ai joué à Curse and Chaos à la place. D'ailleurs, man, achète le don. Il est juste 10 piastres. Hey, c'est vraiment alors, bon. Ça rime voilà. Tellement, là. Ouais. Je veux dire, ça ouais. Tue beaucoup de MC québécois. Il est où, Pierre Lapointe? Il était là, il y a une seconde. Tu pourrais remplacer C'est pathétique n'importe quand, Bruno. Ah ouais, écoute. La bonne plume. Hey, j'ai fait une de ses t'as pochettes. T'as fait son or, ouais. Ça t'as fait son or, man. Moi, je pensais que j'étais en bon terme avec Pierre, mais là, je constate que non. Tu sais, il n'y a rien de pire que se le faire dire dans un poème. Tu sais, il c'est est comme... venu ici, puis il te l'a dit. Il n'aime pas mon contrat. Je suis allé. En tout cas, mais t'es quand même toujours mieux habillé que lui. Non. Lui, il met des affaires fancy. Dans ouais, mais nous autres, ouais, t'as jamais on l'a la... dit aujourd'hui, hein, les hipsters, c'est de la merde. Mais t'as jamais essayé la fameuse coupe à pierre aussi, que c'est comme une espèce de balai là, qui va sur le côté là. Non, non. Il y a des photos de ça sur internet, c'est fantastique. Il ressemble à Timon dans Le Roi Lion. Ok. Après. C'est vieux là, ça c'est au début de sa carrière, c'est fantastique. Ah ouais. Moi je suis plus type Pumba là, mais c'est ouais. Pareil. Ok. Bon, ben écoute. C'est pour ça que vous jouez si bien ensemble, tout player. Là, ouais. Exact. Exact. On se complète bien. Fait qu'en fait, ouais. Merci Guillaume. Ouais, et ouais, puis, super cool. Merci Guillaume. C'est ouais, vraiment gentil. Exact, super. Puis, si vous voulez que Pierre vous. Vous compte, bénisse. Ouais, qui vous bénisse avec un poème, vous devez être le plus grand donneur Patreon. Donc, Guillaume était le plus grand donneur Patreon des deux dernières semaines. Donc, il s'est mérité ce magnifique et poème. Voilà. On le ouais. couvre voilà. d'alexandrin. Ah. Oh. Wow! Ouais, ça, c'est, il n'y avait pas d'alexandrin. J'ai une image mais... mentale, mais c'est bizarre. Donc, petite nouvelle aussi pour tous les fans de Mario, en fait. Il y a oui. un événement, Super Mario Maker. Sur IMAX, en fait. Quand même. Ouais, qui va avoir lieu samedi le 5 septembre au Centre des sciences de Montréal. Donc, dans le fond, ce qu'il va y avoir là-bas, vous allez pouvoir voir le fameux jeu qui s'en vient sur IMAX. Puis, il va y avoir aussi des stations où vous allez pouvoir essayer le jeu. On m'a même dit qu'il paraît qu'il y a du gâteau. Parce que, oh. tu sais, je pense que le 30e anniversaire Cake. De Mario s'en les vient. Donc, Nintendo sont très bons dans ouais, bouffe la plupart du temps. Pas mal, ils sont, d'habitude, ils sont très bons dans bouffe, puis souvent, ils sont réservés aux journalistes. Mais cet événement-là, il est public. Donc, oh. il y a 400 places, en fait. Wow. Dépêchez-vous, j'imagine. C'est donc, ça, il faut se dépêcher. Il ouais. n'y a pas de place à non. réserver. Non, là, c'est ça, pas de place réservée. Ça va être premier arrivé, premier servi, okay. j'imagine. Donc, 5 septembre, samedi. Ça s'en vient très, très vite. Ben oui. Alors, vraiment, là, ça va être, ben, je pense, gros très, très, très sur IMAX. Gros pixels sur IMAX, exactement. Là, fait que, wow. Un petit peu comme ça sort bien. Ouais, un petit peu comme la soirée. Nous autres, on avait joué au Super Nintendo exact. Là-dessus. Ça sortait très bien. Donc, fait que, ça Wii U, ça va être propre. En plus, ils fournissent le nourri. Ouais. Puis, une soirée pour... de rêve. Ouais, en plus, le nourri, tu vas être bien nourri. Puis pour ceux, je sais pas si tu as eu le temps un peu de regarder Bruno, on en parlera plus en profondeur une autre fois, mais ouais. à date, les sneak previews du jeu, là, c'est fantastique. Ah ouais, tu sais, c'est comme. Pour vrai, là, c'est du gros c'est une, plaisir. Là. C'est, une, donc, ben, c'est une drogue aussi. Là. Ouais, y a c'est, ça. C'est vraiment. Ouais. Tu rentres dans ce jeu-là, t'es pas capable d'en ouais. sortir. Il y a trop de choses à découvrir. Fait que, à faire, y a un embargo qui nous empêche de dire tout ce qu'il y a là-dedans, oui. mais à suivre, c'est vraiment bien. À suivre, que, ça s'en vient. Donc, ouais, 5 très septembre, vite. Samedi. IMAX, yeah. des Centres des sciences de Montréal. Ça a l'air très cool, mais regarde, tu peux t'acheter comme au moins 6 Crushers and Chaos pour le prix d'un Mario Maker. Puis dans Crushers and Chaos, le jeu il est déjà fait. Ouais. Tu te demandes pas de faire un jeu, là. T'sais. C'est un bon point. C'est un bon point, ça. Moi, ouais. ça vient plus me chercher, ça, justement, personnellement. C'est faut vrai. Dire aussi que j'ai pas de Wii U. Ouais. Ouais. Mais l'embargo nous empêche de répliquer. Non, mais ben, c'est pas exclusif. Hein, on peut aimer les deux. Les fans de rétro, on en parlera, là, vont trouver leur compte. Moi, je dirais qu'à l'âge, les gros médias en aiment un plus que l'autre. Ah, ouais, non, pour nous autres. Là. C'est parce qu'il n'y a pas d'amiibo, man, de Léo. Puis Léo. Hey, man, juste une petite pause de fait que Shovel Knight a un amiibo. Ça va fucker, man. J'ai comme brisé en dedans. Nous autres, on est jaloux. Là, on est comme comment est-ce qu'on peut être dans cette business d'amiibo là s'il vous plaît là, c'est clair là-dedans, vous voulez tout un Cadillac vous autres là mais Shovel Knight a dû faire de l'argent calique pour avoir un amiibo là ben il s'est ça doit être très profitable sur Nintendo tu sais ouais. il s'est vraiment taillé une belle place sur le DS puis tout ça que puis tu sais en plus ça ouvre peut-être la porte pour qu'il soit dans un Smash Brothers. Qui ouais, serait, moi, je pense que Shantae va se faire aussi. Ouais. Puis qu'elle va sûrement se ramasser dans Smash. Ben avec oui. tous ces bonhommes indie-là vont se ramasser dans Smash, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ben ce que même, même le personnage qu'il y avait dans Runner, c'était quoi donc le nom du jeu exactement? Runner. Il y a eu Runner 1 puis Runner 2. C'est Ganji ou Ganja qui fait le jeu. Je me souviens, c'est plate parce que là, je Ganja. Me souviens. Ganja. Oui, Ganja. Je me souviens pas du nom exactement, mais il s'appelle Captain Commander. Puis il était, wow. il était dans tous les jeux de Nintendo justement. Ils l'ont incrusté dans plusieurs jeux de Nintendo. Fait qu'ils sont quand même capables d'amener les indépendants vers leur licence populaire. Fait que... Shovel Knight, je pense qu'il avait fait ses débuts sur Nintendo. Ouais, ouais. Pas, c'était, ben, je pense que c'était exclusif pour un certain temps. Ils ont tout le temps été exclusifs Nintendo. Ouais, au départ, ensuite, Wayforward, ça. Puis cette gang-là. Là, ouais. Ils ont puis, tout le temps été très ouais, Nintendo. Puis ils ont sorti mais plus tard sur PS4. Shovel, c'est ça, ça a sorti sur PS4, hésitant. Ouais, par après. C'est ça, par après. Puis ça a sorti sur Steam aussi, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Sûrement. Mais moi, bon, j'ai promis à un gars sur Rétro Nouveau qui a un commentaire là, que s'il faisait Shantae, j'allais acheter Shantae et Shovel Knight. Ben, c'est parler de Shantae et Shovel Knight, en fait. Ouais. On a des invités ce soir. Oui, oui, oui, oui. Oui, monsieur. Fait que là, on va parler de leur jeu qui s'appelle Curses and Chaos. Ok, là, tu peux. Oui. On change la musique d'abord. Ah oui, aïe. Hey, oui. Ça, c'est fantastique. On se gâte un peu. Bon, maintenant, pour commencer, je me souvenais pas si on avait eu une demande de vous envoyer promener suite en partant. Parce que le jeu est quand même un petit peu difficile à ce que les gens disent. Moi, moi j'y ai joué beaucoup, beaucoup, pour vrai. Puis, je l'ai fini. Mais j'ai la mauvaise fin, par exemple, parce que j'ai pas eu le temps de tout mixer encore. Mais là, je spoil rien. Faut tout mixer pour avoir la bonne fin. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Tout le monde y a joué ici autour de la table. Ouais. Oui. Ouais. Moi, j'étais le meilleur, je pense. Ouais, moi, je pense que je m'identifie comme le plus poche, en fait. Moi, je suis en thérapie présent. J'ai pas passé le premier boss. Moi, je dois vous dire, les gars, que vous êtes responsable de mon premier lançage de manette depuis le N64. Puis j'ai même un petit peu kické ma table de salon. Juste un peu. Mais je suis rendu quand même loin, moi. J'ai réussi à débloquer, là, mais au début, très très frustrant les premières heures. Mais moi, ça n'a pas été si pire, sérieux. Juste. Dom m'a dit qu'on était poche, en ouais, fait. C'est là. Ça. J'ai jamais pogné les nerfs à part genre hier soir. Là, j'étais vraiment en crise. Mais c'était moi, c'est au deuxième niveau. Mais c'est de ma faute. Le deuxième niveau m'a vraiment brisé pendant un certain temps. Puis là, j'arrive à passer au travers. Ouais, ben, c'est une belle colère obsessionnelle, compulsif. Oui, ouais, parce que tu recommences. Ah, tabarnouche, exact. Juste une autre de plus. Pour ceux qui n'ont pas joué encore, je vais l'expliquer. Vas-y, on passe des étapes. T'as deux petits bonhommes, une petite fille Léa, puis un petit bonhomme, un petit chevalier Léo, mm-hmm. qui combattent dans ce qu'on pourrait dire une arène. Le niveau est une arène, qui a des vagues d'ennemis qui arrivent. Il y a 10 vagues d'ennemis, puis un coup que t'as passé au travers de ça, t'as un boss. Et puis, il y a les ennemis, ils droppent des items, et puis t'as un petit hibou qui s'appelle Oli. Très cool, non? Petit nom pour Oliver. Oliver? Ouais, il s'appelle Oliver. Ah. Oliver, c'est quoi, non? C'est juste Oliver. C'est comme Olivier, mais il y a un W entre le O et le L. Là. C'est okay. Oliver. Très cool. Je pensais que c'était pour Holy, tu sais, béni ou quelque chose de même. Ben, il vient du ciel, hein? Alors, ben, c'est ça. Ça a deux sens. Fait que ce petit bout-là te permet d'avoir un deuxième item, dans le fond. Fait que si tu pognes un item, t'en repognes un autre. Là, le premier que t'avais, il drop à terre. Fait que tu peux appeler ton hibou, puis il te le garde en réserve. Mm-hmm. Puis tu peux le rappeler, puis il ramène ton item quand t'en as besoin. Fait que ça, c'était un beau petit clin d'œil, ça. J'ai trouvé ça très apprécié. J'ai bien apprécié ça. J'ai trouvé ça très intelligent. Mon père est son français. Mon père est mon français. Donc, pour les moves, c'est assez simple. Coup de pied. Coup de poing tout le temps. Dragon Kick. Moi, j'ai pas mal Dragon Kické my way out of de ce jeu-là, tout le long. C'est pas mal comme le gameplay Turtles Konami, que l'affaire la plus efficace, dans le fond, c'est tout le temps de savater des adversaires, de Dragon Kick tes adversaires. Ben, ils font plus mal aussi qu'un simple coup de poing. Exactement. Ouais. Par exemple, on peut dasher avec Wright, chose que j'ai découverte beaucoup plus tard. Je dashais jamais, je savais même pas que ça existait. Fait qu'en dashant puis un coup de poing, tu peux faire un Mac Punch, qui est la même puissance qu'un coup de pied, qu'un Dragon Kick. Ça, c'est très pratique. Le dash est aussi très très pratique pour aller essayer de pogner l'item qui flash là, dans ça. Ah, tabarnak, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps de me rendre au fort. Quand j'ai découvert ça, ça a été bien pratique. C'est quoi les différences entre les deux personnages? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que t'en as trouvé? Il y en a aucune. Il y en a aucune. C'est juste un skin. C'est un différent skin. Vraiment, juste pour différencier les deux joueurs. Là. Okay, moi, j'en ai vu une différence entre les deux personnages. C'est comment on fait les points bonus en se shakant le pixel. Oui. Les deux font pas le même mouvement. La fille se shake les fesses, puis le gars se shake le devant. Mais j'ai découvert pourquoi ils ont mis ça dans le jeu, man. Ouais, mais c'est une des questions que j'avais justement. Ben, je pense que j'ai trouvé, c'est pour pas briser ton chain, ton combo chain. Ben, ouais, c'est vraiment pour, je sais pas, les high scores dans le monde qui veulent vraiment battre les high scores, mais parce... tu squeezes des petits moves de dance dedans. Ben, c'est ça, parce que quand t'as un chain puis t'as tué une couple d'ennemis, des fois tu vas super vite, pis ça prend du temps avant qu'ils reviennent les autres. Mm-hmm. Fait que là, si t'attends, ben tu perds ton chain. Fait qu'en attendant, tu shakes le body de même, puis tu continues de faire des points, fait que ton chain, il se maintient, c'est ça? Ben, il y a ça, puis en même temps, mettons que tu joues, parce que, tu sais, je me rappelle quand on jouait à une époque où il n'y avait pas ce move-là, quand il n'y a pas encore d'ennemi qui apparaît, ben, tu sais, tu commences à courir, tu commences à sauter partout. Tu sais pas quoi faire, fait que là, il y a eu l'idée de, ben, tu sais, si on pèse, puis quelqu'un, il se met à danser, ben, soudainement, tu restes là, puis ça fait quelque chose à faire en attendant la prochaine vague. C'est juste assez satisfaisant et drôle pour combler le court temps mort. Ça comble le vide, On a ajouté ça vraiment pour le fun, et il y a tellement de monde qui ont comme qui ont vraiment embarqué là-dessus, ils adorent ça. T'sais, à cette heure, on regrette de ne pas avoir mis comme différents moves de danse différents, des affaires comme ça. Des combos de danse, des affaires comme ça, on aurait dû. Là, des command dance moves, là, en bas, en bas, en haut. Ouais, exactement. Ben, t'sais, c'est, on prend ça à bord pour un prochain jeu. Là, on va voir. Ouais. Ouais, c'était un très beau flash. Et puis, bon, visuellement... je voulais juste un petit bémol, par exemple. Le tutoriel, il n'y en a pas dans le jeu. Ouais. On vient de rajouter un How to Play, par exemple. Ouais, c'est ça, parce que pour savoir les moves... Ouais. Là, ben, on s'est rendu compte que le monde, il ne savait pas que tu fais double jumpy, il savait pas que tu vas faire un uppercut. Ben, tu sais, moi, c'est drôle, c'est un feature que j'ai aimé. Parce que, tu sais, ça se veut un ben, peu comme rétro, dans le temps au NES, exact, quand tu louais une cassette. Moi, sérieusement... Ça venait pas avec le livret. Bruno pourrait témoigner, là. Au début, c'est Bruno qui m'a appris que dans Mega Man, tu pouvais utiliser les armes des gens que tu tuais. Parce que dans Mega Man 1, quand je l'ai loué, il n'y avait pas le livret. Puis je me suis dit, tabarnouche, c'est top ce jeu-là. T'sais. Puis j'ai retrouvé mais ça un peu là-dedans. Te le dit, non, c'est ça. Pas, là. J'ai trouvé ça le fun un peu comme genre, là, le dash, vous l'aviez spoilé, je l'ai trouvé tout ça. Mais tu sais, t'essaies des affaires. T'sais, puis le hibou, à un moment donné, ça m'a pris une couple de game avant de trouver comment il marchait. Mais j'ai trouvé ça le fun, tu sais. À ce temps, avec, à l'aide de l'Internet, tout est instantané. Tu cherches, tu dis « Ah, je sais exactement quoi. » Là, je le savais pas, puis j'ai voulu pas spoiler, puis rien vraiment aller voir. Mais moi, t'sais, ce que j'ai aimé de ça, c'est qu'en fait, j'étais vraiment mauvais. J'avais vraiment de la misère. Puis là, à un moment donné, je me suis dit « Voyons donc, il doit bien avoir un bouclette, quelque chose. » Je me suis rappelé que sur PS Vita, tu peux aller sur Home, puis voir le bouclette. Il y a un feature qu'on oublie souvent de faire, ben franchement. Oh, je savais même pas. Parce que la plupart du temps... Ben, c'est ça. C'est pas que l'a programmé, là, mais j'ai juste découvert en faisant ce jeu-là qu'il y avait des bouclettes. Mais il y a plein de compagnies qui font un bouclette que t'as vraiment... T'as le layout des boutons... Puis après ça, c'est juste le légal, tout le long, pendant 8 pages. T'sais. Ouais, c'est ça. Moi, là, j'en trouvais ça intéressant parce qu'il y avait au moins, il y avait quelque chose, puis ça t'expliquait des affaires. Puis moi, ça a comme donné un second souffle au jeu dans un moment où j'en avais besoin parce que je rushais, puis j'ai cherché un truc, quelque chose, tu sais, qu'on m'explique de quoi. Puis moi, ça a été le feeling. Je me suis senti un peu comme quand j'étais gamin, puis je commençais à découvrir les jeux, puis qu'il n'y a personne qui t'aide là. C'est juste, c'est débrouille-toi, mon gars, puis tu vas découvrir que les ennemis sont pas tous pareil, puis que tu as différentes techniques à utiliser pour les combattre, puis tout ça. Il n'y a personne qui t'aide. Tu as justement la sorcière qui est là. Elle t'aide pas nécessairement non plus. Elle dit des affaires, mais c'est un peu générique. C'est des blagues, ça, qu'elle dit pas mal. Ouais, ouais, c'est toi qui as écrit ça. C'est hein? Pas mal moi qui ai écrit ça. Ah, je savais que c'était toi. J'écrivais des phrases qui sont spécifiques à chaque fois que tu termines un boss. Ouais, c'est ça. Par la première phrase à leur rapport. À leur rapport à ce que tu viens de faire. Le reste, je me t'ai fait dire comme OK, le reste, il faut que ce soit générique, que tu peux cycler au travers. Exact. Là, j'ai mis pour la plupart des blagues. Mais c'est ça. À change de position aussi, en disant des blagues. Exactement. Ça c'était hot, ça. Oui, ça, c'était vraiment nice. Puis, mais bref, c'est ça. Je me suis fait dire OK, on garde ça générique. Fait que j'ai juste écrit des blagues pour la plupart. Ça aurait été le fun d'aller un petit peu plus complexe, mais. Il y a beaucoup de la production de ce jeu-là, on essaie de pas se casser la tête, mais en même temps, on voyait aussi que Mercenary King, c'était vraiment gros. Fait qu'on pouvait pas sortir un jeu aussi simple que ça c'était supposé être originalement. Fait que là, on a commencé à rajouter quelques trucs, un peu plus de levels, puis justement le fait de soudainement, il y a sur PS4, t'es sûr que toutes les facettes du multiplayer fonctionnent, ces choses-là. Ouais. Là, ça a changé un peu la création du jeu. Ouais. Fallait pas trop en rajouter pour que ça finisse par sortir finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais est-ce que, dans le fond, la vision originale du jeu, je voulais faire un jeu super simple qui rappelait, mettons, un jeu 8 bits dans un sens, t'sais, comme très très simple, puis. À un moment donné, ça a évolué au travers du processus, c'est ça? Ouais, mais ça a vraiment explosé. Même la première version du jeu, il n'y avait pas de boss du tout. Là. C'était super pur à sa forme la plus simple possible. C'était juste des waves, dans le fond, que tu avais. Je me rappelle, il n'y avait pas de running punch, puis il n'y avait pas de uppercut non plus. Puis ça, je me rappelle que c'était des suggestions que moi, j'avais faites, dont j'étais vraiment fait. En fait, pour le running punch, moi, je disais, il faut que ce soit une corde à linge comme dans l'autre. Mais ça n'a pas été exécuté, mais le running punch est super cool, satisfaisant aussi. Ouais, il est dur, par exemple. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que tu sois parfaitement timé. Ouais, ouais, c'est le coup de la corde à linge, tu passes au travers, ça aurait été facile, parce que tu aurais juste wavé les ennemis d'un bord à l'autre. Ouais, je prends tout le temps un coup, moi, quand je fais ça, running punch. Ouais, c'est le timing est très précis. Fait pour les ennemis qui meurent d'une shot. Ouais. Mais avec deux shots comme les grenouilles ou les hosties de criquets à marde plus loin, ils sont plus tough. Moi, sais, on a tous ceux qu'on haït, là. Moi, c'est les squelettes, tu sais. C'est la cochonnerie. Ouais, ouais. Premièrement, quand ils sortent du sol, tu sais, tu peux pas les frapper. Attends, man. Là, plus loin, c'est les momies. Et eux autres, ils prennent genre 6 hits, là. Mais là, ça, les squelettes, c'est 4. À un moment donné, ils t'en sortent comme 8 du sol. Oui, c'est ça. 8 crises de momies. Puis 3 sorcières, ben, c'est d'autres affaires, là. Puis ils garochent les autres, des sorcières, là. Man, c'est un défi. Ça doit en tabarnouche, tu sais. C'est la wave 9. De l'avant-dernier niveau, ça, me semble. Yes, c'est qui ton pérenni, toi? Les gens de petites affaires rouges qui apparaissent puis qui disparaissent dans les airs, là, puis que tu marches puis ils apparaissent derrière toi puis tu perds de l'énergie. Là. Ouais, c'est très chiant, ça. C'est très chiant, ces petites mages-là. Ouais. Mais eux autres, puis les grosses baleines là, qui sortent d'en dessous là, puis qui te ramassent. C'était pas sûr, ça, moi, je trouve. Ça ressemblait, j'ai trouvé, à... c'est les levers dans Zelda, c'est ça? En tout cas, je sais pas si c'est votre inspiration, là, mais tu sais, je me suis clairement rappelé le Zelda original, là, quand t'es dans la montagne. Oui, là, ben la oui. Première fois, tu dis, c'est quoi cette affaire? Ah! Ça t'attaque, tu sais. C'est clairement ça que tu revis, tu sais, encore. Puis c'est la même couleur, il était rouge aussi, tu sais. Je sais pas si c'était une inspiration, mais moi, ça m'a clairement. Ah ben, vu que tu parles de ça, man, j'ai même pris en note des genres de clins d'œil que vous aviez pris à d'autres séries, je pense. D'accord, vas-y. Il y a des Bone Pillars de Castlevania. Oui, oui, oui. Des têtes de squelettes, là, qui crachent du feu, là. Il y a une petite sorcière que genre est rouge qui flotte dans les airs. Elle fait de la magie, puis il y a un beam de feu qui sort du sol. Ouais. Mm-hmm. Ça me fait penser totalement à Dracula dans Castlevania 3, qui fait la même affaire. Justin Cyr, qui est co-créateur du jeu, que c'était comme son enfant, son bébé, c'est un gros fan de Castlevania. Fait que je pense qu'il a mis beaucoup de son amour de Castlevania dans le jeu. Ouais, c'est clair. Jeu sort, je l'ai senti, ça. Il y a des Moy Heads de Gradius, mm-hmm. des petites têtes de... dans Mystical Ninja, dans tous les jeux de Konami. Ouais. Presque, l'affaire, c'est les têtes. Puis ils tirent des balles rondes, des anneaux, pareil comme dans Gradius. Ils sont chiants dans un style. Les têtes d'Île de Pâques, c'est tout le temps drôle. Puis aussi, une affaire avec les têtes d'Île de Pâques, parce que ils sortent puis ils tournent. Exact. Puis, vous savez, comme Paul Robertson a travaillé sur notre jeu, il a animé les boss. Il a travaillé sur nos jeux aussi avant. Ouais. Puis, une affaire qu'il disait souvent, c'est comme. Quelque chose qui tourne à 360 degrés, quelque chose qui tourne parfaitement, c'est tout le temps drôle. Il dit, c'est tout le temps weird ou c'est tout le temps drôle. Ouais. Faut que tu mettes ça dans tes animations. Là, juste un fait comme, ouais, OK. Fait que quand les mots, ils sortent et ils tournent, ça vient d'être là directement. Ouais. Wow. Ouais, mais dans Gradius aussi, ils tournent ces têtes-là quand ton vaisseau, il va de l'autre bord. Fait voilà. Que, il y en a une couple qui suivent, là. Fait que c'était bien pensé. Écoute, bien c'est beaucoup d'étudiants de Konami dans notre compagnie. Ouais. Puis dernière chose, t'as une attaque élémentale d'air. Mm-hmm. Ça tire 3-4 petits tourbillons comme l'attaque de Airman dans Mega Man 2. C'est en effet très same Airman. Fucking shit. Même affaire. Ça va bien pour buter les cochonneries dans les airs. Mm-hmm. Ça, c'est très apprécié. Ça. Le jambon, est-ce que c'est Gauntlet ou est-ce que c'est. Vous y avez été avec Final Fight ou c'est juste un jambon générique? C'est vrai que dans Final Fight, il y avait beaucoup de jambon. Oui, il y avait du jambon. C'est une dinde dans Final Fight, je sais plus. Final Fight. Il y a tout de même un gigot aussi. Ouais, il y a mais gigot, moi, je pense que ça vient de la version NES de Robin des Bois à Prince des Voleurs. Caché en arrière la colonne, là, c'est là qui vient. Wow, man. Eh oui. Fait que visuellement, le jeu, on n'a pas parlé encore. Tu sais, le monde, ils savent pas. C'est purement 8 bits, je dirais. Ouais, c'est 8 bits et un peu de 16 bits, ouais. Ouais, hein. Puis c'est qui fait ça? C'est-tu Paul Robertson qui a. Lui, il anime les boss. On a trois artistes sur ce jeu-là. Ouais, parlez-nous-en. On a Justin Cyr qui est le co-créateur, game designer et artiste. C'est lui qui a dessiné la plupart des sprites. OK. Et puis, Crimson Chaos, c'est né, il s'était donné comme challenge au début, c'est de faire tous des personnages, tous des monstres qui fitent dans une grille de 16 pixels par 16 pixels. Ah, oui. Puis, il dérogeait juste de ça pour, éventuellement, on a inventé les boss qui n'étaient pas dans la conception initiale, comme Jeff a dit tantôt. Après, c'est devenu plus gros. Mais je me semble que Justin il a animé la plupart des méchants, mais quand c'est temps de faire les boss, il a designé le sprite initial, mais après, il donnait ça à Paul Robertson, puis il disait « OK, là, c'est toi qui animes ça, tu animes les attaques, tu animes les mouvements, puis tu fais ça. » C'est ça qui est vraiment intéressant, qui est vraiment le fun avec Paul, c'est qu'il est comme pas précieux pantoute là-dessus. Tu amènes un sprite déjà fait, puis tu dis « Fait qu'il fait une attaque malade. » Puis 6 heures plus tard, il t'envoie un gif d'attaque malade, puis là, tu pleures de joie. Et pour les, Mais lui il est sous contrat. Ouais. Lui, il est pigiste, dans le fond. Il fait affaire avec lui. Il est pigiste pour nous autres, dans le fond. Exact. Pour beaucoup de monde, dont nous autres. Pour beaucoup de monde, mais entre autres, nous. Là. Okay. Non, il est juste pigiste, c'est tribute. Fait que si vous voulez de l'art de parler, c'est payé tribute pour, il te lève pour y parler. Parce que c'est quasiment à la limite, ça fait quasiment partie de votre marque de commerce, je trouve. Parce que c'est le visuel est tellement fort, mm-hmm. puis ouais. on sent un lien entre tous les jeux que vous avez faits jusqu'à maintenant. Tu sais, fait qu'il. Ça, puis notre troisième artiste, c'est Stéphane Boutin, qui est vraiment écœurant. C'est lui qui a fait tous les décors de Curses. Et qui a aussi. Son rote, les décors. Oh, ouais, c'est ça. Puis comme c'est pixel, mais c'est gros. C'est pas plein de petits carrés. C'est comme plusieurs pixels regroupés. Ben, c'est des masses de. C'est plus comme. Ouais, c'est plus comme. Je sais pas comment le décrire. Des pixels PC, tu sais, des jeux d'aventure, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. C'est différent des pixels console. Beaucoup de couches aussi dans le background. Là, beaucoup de choses qui se passent au loin. Là. Une des grosses inspirations de Stéphane, c'est Mike Mignola qui dessine Hellboy. Fait qu'il y a comme, tu sais, la façon que Mignola géométrise tous ces détails, lui, il approche ça comme ça, mais il fait avec des couleurs plus flashy puis une stylisation semblable, mais plus flashy. Ben, c'est juste les rayons de soleil, man, qui passent. Des fois, c'est comme une ligne. 45 degrés net, tu sais, puis ça, c'est propre. Là. Fait que ça, puis ça, Stéphane, il a aussi fait les graphiques pour l'ouverture, que justement, il dessine originalement les choses, puis il envoie ça à Paul, qui Paul anime ça de façon. Tout le monde devient jiggly, puis il y a des. Ouais, c'est ça, c'est bon. Mais c'est ça, fait que c'est comme un combo de ces trois artistes-là. Mais qui, Johan Vinet, il est pas artiste, lui aussi? Oui, il est artiste, mais il n'y a pas. Yep. Il a pas fait quelque chose. Il me semble qu'il a rien fait pour. Travaille sur un autre projet. Oui, il travaille sur notre prochain projet. Ok. J'ai hâte de le spoiler à la fin de l'émission. son art sur notre nouveau projet, on le voit comme animer des ennemis, puis notre personnage principal à tous les jours, c'est super beau. Et mais bref, c'est ça. Par exemple, Johan, il a eu l'idée que quand Léo il danse. Qui regarde à gauche puis à droite pendant qu'il danse. Ça, c'était hot. Puis ça ajoute tellement de charme et de caractère à l'animation que tu sais, il est comme coparent de cette animation. C'est bon. Combien, c'était quoi l'équipe totale en fait qui a travaillé sur Curse and Chaos? C'est difficile à dire. On est à peu près une équipe de 6-7 qui a travaillé sur Curses. Au total, chez Tribute, on est 10. OK. Parce que quand même, c'est une petite équipe, tu sais, pour un beau produit, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant à savoir, là, au niveau de. Fait que c'est possible avec une petite équipe de faire quelque chose de vraiment intéressant. Là. Ouais, mais ça, on vient de chez Ubisoft, on travaillait sur des jeux Game Boy Advance, où c'était tout le temps des équipes de 10-12 personnes. Okay. Donc, on a comme essayé de recréer ça en partant en Tribute Games. Là. Ah ouais, c'est bien. Honnêtement, tu sais, je pense. C'est à prendre en note, là. C'est pas mort, là. Ben non. Moi, je trouve ça magnifique, man. Du monde qui travaillait sur des jeux de Game Boy et qui essaie de recréer ça. Autant visuellement que dans la forme de l'entreprise. Oh, ouais. C'est merveilleux. Je vais continuer à parler du jeu un petit peu aussi. On mixe des systèmes. On peut en acheter. Les boss, ils t'en donnent. On les ramasse-tu dans le jeu puis on les a dans notre inventaire? Non, hein? On fait juste les acheter. Puis les boss, ils en donnent à la fin. Mais la hache, mettons, puis des flèches, puis tout ça. Mais tu peux les garder dans ton inventaire, puis après ça, tu vas les avoir dans. Si tu meurs avec. Si tu passes le niveau avec. Si tu passes le niveau avec, tu finis avec dans ton inventaire. C'est ça. Puis bon, c'est ça. Ben, tu peux mélanger deux armes pour avoir une autre arme, tout ça. C'est tout écrit dans le grimoire, là, dans la section mix. Donc, tout ça te mène à avoir des armes plus fortes, puis des power-ups, puis toutes sortes de trucs. Et puis, et avoir la bonne fin, éventuellement, avoir ce qu'il faut pour avoir la bonne fin. Tu sais, il y a des affaires cool. Mettons, il y a des rings de power où est-ce que ça ils punchent plus fort ou, je pense, plus vite. Mm-hmm. Puis, ça, c'est hot. Un petit quelque chose que j'aurais aimé, par exemple, c'est que ces items-là sont utilisables, tu sais, comme une fois. J'aurais aimé ça, on dirait, équiper des affaires, tu sais. Des pièces d'équipement permanentes. Genre, tu sais, pour avoir un. Pour booster ton biffer ton bonhomme, là, tu sais, puis que ça reste, puis que tu mixes des affaires, whoop, armure en or, puis tu sais, je sais pas quoi. Ouais, mais je pense qu'on voulait essayer de s'éloigner du mode hoarder, là, un peu comme Mercenary Kings, où que le monde essayait de tout crafter, les guns, puis collectionner tout, là. On voulait vraiment quelque chose de plus, tu sais. Utilise-le, puis c'est pas grave. Là. T'en as plus à Tu fais un choix tactique au début, là, tu peux équiper une slot, puis. Mais moi, j'y arrive pas, man. Oublie ça. Là, t'as 10 waves à passer. Même si je donne une ring à mon hibou, man, j'ai besoin de lui pour backer de la life, là, tu sais, pour moi. Fait Fait que moi, j'ai trouvé ça plus dur, mais en même temps, comme tu dis, t'as pas le choix, man, de te servir de tes talents pour passer au travers. Là, fait que ça, c'est quand même une facette importante de jeu. Là, mais ça garde le côté arcade, tu sais, comme ah, exact, PAX, exact. Vous aviez des cabinets d'arcade. Mm-hmm. Je trouvais que c'est tellement, justement, c'est je trouve que c'est la place parfaite pour y jouer, en fait. Mm-hmm. Parce ouais. que, justement, il y a un feeling très arcade à ça de... tu fais ta partie, c'est fini, that's it. Mais moi, une affaire que j'ai bien aimé, c'est le fait que t'as tout le temps un item qui sort d'un ennemi, ça fait partie de ta stratégie, puis dépendant de si tu vas dessus ou non, ben tu vas perdre l'item que t'as présentement en ta possession. Pis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que... La gestion des items, c'est très important dans le jeu. Puis il en donne beaucoup, puis il faut pas que t'aies peur de les utiliser. Man. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, ils drop des haches, ben c'est pas pour rien, tire des haches. Puis en les utilisant, je pense que ça en fait dropper plus que juste puncher. Ça se peut-tu, ça? C'est moi qui hallucine ça. C'est très possible, mais moi, j'étais pas dans ces discussions. Mais tu sais, je me rappelle de voir... Ah non! Je pense qu'à un moment donné, ça drop pas mal. C'est peut-être que c'est une place où est-ce que j'ai pas le choix d'en utiliser beaucoup, là. Mais j'en vis pas, justement, le travail de Justin puis aussi de Jonathan Lavigne, qui est comme un de nos cofondateurs, et puis aussi qui a comme décidé de programmer un jeu officiellement chez Tribute pour la première fois. Il a co-programmé le jeu. Et puis en plus de le co-game designer, c'est de prendre toutes ces décisions là que dans j'en veux pas ce job là parce que dans ma tête je vois juste une genre de grille weird où ce que non là faut que ça donne tel item, telle affaire. Ouais. Mais ils sont hardcore les boys, ils font des mais une des choses en fait qui était dans un des tips là, qui voulait dire quelque chose qui était utile, c'était si tu fais plus de chain, ben tu vas avoir plus d'items qui va dropper. Plus, ouais. plus haut est ton total de chain. Ça, c'est intéressant parce que justement, ça te maintient une motivation supplémentaire. Oui. C'est pas juste beau puis des points. Tu peux véritablement avoir des goodies là, associés à ça. Fait que ça aide honnêtement. Mm. C'est une petite motivation. Tu te lances des défis personnels. Tu vas monter mes chains, mais en plus, tu reçois plus d'affaires. Fait que c'est plus facile à remonter tes chains. Je pense que c'est une bonne loupe en fait, que vous avez implantée. Là. Puis pour revenir au mixage aussi, ça c'est le fun parce que ça rajoute, tu sais, de quoi à faire dans le jeu quand même. Donc quand t'as fini ou quelque chose, ben tu veux tout débloquer. Ou quand t'as fini de mauvaise façon comme moi, je dis ok man, t'es furieux. Donc je suis furieux. Non, je savais. Mais tu sais, tu continues. Fait que ça c'est cool. Un autre petit truc, par exemple, une autre petite critique que j'aurais à ce niveau-là, c'est que ça aurait été le fun d'avoir comme le sprite de l'item à côté du nom. Tu sais, comme c'est un détail là. Mais si moi je me souviens pas qu'une balista ça a l'air de ça, puis Arrow ça a l'air de ça, tu sais, comme les deux items se ressemblent dans ma. C'est peut-être moi qui est veg là, mais en non, mixant, mais c'est ça, tu il était dans là, un tu autre vas voir dans menu, le grimoire. Finalement. Ok, ça c'est une potion, ça c'est un enfant. Puis là tu reviens, faut que tu sortes du menu, puis t'es dans l'autre menu, puis que tu te souviennes du nom, tu sais, comme. Visuellement, ça aurait été plus facile d'avoir l'item à côté du nom en tout temps, tu sais, pour choisir vite qu'est-ce que tu peux mixer. Parce que. On m'a dit aussi, puis je m'en suis rendu compte, tu peux pas juste acheter des items chers pour les mixer parce que fuck, tu vas tout le temps grinder, tu sais. Fait que t'achètes les pas chers, tu mixes plein de pas chers pour aller arriver au cher, puis ça coûte moins cher. Mais j'oublie les noms de tous ces multi-items-là, puis leur image, tu sais, en tout cas. Mais c'est là moi, justement qu'il faudrait, peu compliqué, que tu, faudrait que tu reviennes à la base, puis que tu te prennes des notes. Ouais, c'est un ça. Papier. Ben, j'aurais dû prendre mon téléphone, puis faire une capture écran du grimoire. Ça prend fait. Un papier. Mais le téléphone ne marche pas. Ouais, un papier. Il y a des trucs d'interface comme ça qu'on a discuté, puis qu'il y a des affaires qui ont été suggérées pour rendre ça plus facile, plus clair. Puis des fois, ça l'a passé, des fois, ça l'a pas passé. Et ben parce que c'est ça qui arrive que vous direz à ceux que ça a pas passé que ça aurait dû passer. OK, ouais, ben c'est ça. Mais, ça aurait aidé la compréhension, ça aurait amélioré la vitesse de compréhension moi, au niveau du moi, mixage. La façon dont je l'ai vu, tu sais, c'est comme un tout cohérent, tu sais, j'imagine que c'est la direction créative là, que vous avez voulu prendre, tu sais, puis tu te ramènes à ça, tu regardes, tu dis bon OK, ça fait du sens, tu sais, l'expérience est vraiment old school on peut dire, tu sais, puis il y a des affaires qui sont pas toujours évidentes, mais c'est pour moi, c'était correct, tu sais, parce que c'était cohérent, tu sais. Ouais, mais toi, tu t'es peut-être pas rendu plus loin dans les élémentales. J'en ai les élémentales, puis les autres gogos, c'est pas la fin. Non, c'est pas juste Axe puis Clover, tu sais, là. C'est assez tight, mais tu sais, comme l'attaque de l'élémental de terre, c'est quoi, non? Rumble. En tout cas, c'est un nom. Gabonaut. Dans ma tête, c'était comme, ah, OK, faut pas que j'oublie que ça s'appelle de cette façon-là, tu sais, comme. En tout cas. Mais initialement, il n'y avait même pas de grimoire, donc c'était très hardcore. Une chance qu'il y a ça, parce que ça te met comme visuellement, OK, ça me prend ces deux affaires-là pour faire ça, sinon ça aurait été infini le gossage. C'est ça, il y a eu de l'ostinage un petit peu pour rendre ça plus, plus facile à jouer puis plus jouable, mais l'affaire, c'est que ce qui est cool dans notre compagnie, c'est qu'on travaille sur nos jeux, puis il y a une certaine une liberté de créativité. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à dire à quelqu'un non, faut que tu changes ça dans ton jeu. Ouais. Si les autres sont comme ben non, moi je pense que c'est le même, ben à un moment donné, tu dois laisser aller ça. Ouais, je comprends. C'est ça que tu penses, exact, que tu veux faire. Il n'y a pas une personne en haut qui dit non, ça va être de même. Exactement. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, des fois, quand tu travailles tout de même longtemps sur un jeu, tu deviens tellement habitué, tu t'en rends plus compte. Exact. Tu n'as plus de recul, en fait, c'est ça, à un moment donné. C'est pour ça que, tu sais, quand on va à PAX, là, ça l'aide pour certaines affaires. Ouais. Puis quand on fait des playtests, je pense que, justement, une affaire, c'est ça qui est le fun. T'sais, le jeu sort, on va dans des. On va voir des Twitch du monde qui joue. Tu vois comment ils exploitent des affaires, comment ils ont de la misère avec des choses. On peut prendre ça pour des prochains jeux, mais je pense aussi que c'est en train de nous montrer que peut-être plus de playtests à l'avenir, ça risque d'être plus bénéficiaire pour créer comme... si on veut rendre ça plus accessible, je pense que c'est le plan pour le prochain jeu. Oui. Ça nous montre une voie comment le faire à l'avenir. Quand même. Ben, moi, je veux pas paraître de grand-père, puis mm-hmm. J'aime les affaires très comme rétro puis comme tough. Mais je me dis aussi que quand c'est possible d'aider un petit peu, t'sais, c'est bien de le faire. T'sais. Ben, tu sais, post-sortie, je pense que quand le monde parlait, ça aurait été bon d'avoir un tutoriel. Je pense que la plupart du bureau s'est mis à admettre comme moins un tutoriel, ça aurait été une bonne idée. T'sais. Ouais, ben, juste au pire, un lien dans le menu pour dire Fighting Moves ou je sais pas quoi, tu vas voir une fois, mais il est là. Là, ça m'aurait pas gossé que ça traîne dans le menu en bas. Je serais allé le voir une fois, mais. En tout cas, c'est des détails, là, mais c'est mon point de vue. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est plus le mix des items qui, à un moment donné, j'étais perdu. Puis même là, dans ma partie, je suis rendu à un point où, tu sais, on parlait de grinding tantôt. Je fais juste accumuler de l'argent pour je sais pas quoi. Puis là, je me dis, ben, à un moment donné... Parce que t'as peur de dépenser. Oui, j'ai peur de dépenser. J'ai peur de prendre une mauvaise décision. Fait que je me dis, à un moment donné, je me dis comme, OK, c'est aujourd'hui, là, je suis réveillé, puis je vais le faire. Puis là, je me dis, bon, mais ben, je vais le passer mon niveau, puis je vais mixer, tu sais. Mais c'est ça, des fois, j'ai peur de mixer certaines affaires, parce que j'ai peur de prendre des mauvaises décisions, mais ça fait partie aussi du jeu comme tel. Parce que tu peux créer un déchet. Oui. Non, ouais. Mais tu peux créer quelque chose qui est finalement qui est décevant. Le grimoire. T'sais. Ouais, ben, ça peut être très décevant, mais tu l'utilises pour une autre affaire plus tard. Exact. Mmh. Comme la première page du grimoire, l'ultime item, c'est une vie supplémentaire. Ouais. Ça, c'est quand même fucking utile. Oui, très. C'est utile. Là, ce qu'on voulait vous poser comme question, c'est quand les plans de DLC pour acheter une vie puis acheter des Donc on va sortir une version Android qui va être gratuite, mais chaque vie coûte $1. Oh, j'en achèterais pareil. Fait que pour finir, je voulais souligner aussi la musique de Patrice Bourgeot, encore une fois, qui a fait la musique de tous vos jeux, sauf Wizard. Exact. Puis, je suis allé dîner avec l'autre fois. Ben, c'est un beau soundtrack. J'ai beaucoup aimé ça. Un bon soundtrack. Ouais. Très beau travail, encore une fois. Donc, good job, Pat. Il y a des bons commentaires, sa musique aussi, en général, je pense. Oui, ouais, ben. C'est il y a tout le temps des trolls, là. Il m'en a montré une couple, là. Tu sais, dans la vie, il y a tellement du monde désagréable. Mais, overall, je pense que la musique est appréciée, est totalement appréciée pour vos jeux. Ça, c'est cool. Fait que dans le fond, je peux donner une note. Ben oui, on va continuer avec un petit Q&A après. Fait que Jeff, t'es prêt? Ouais, vas-y. Un. Non. je donne un beau 4 sur 5 ben merci beaucoup. Là-dessus. Et puis, j'aurais donné un petit peu plus s'il y avait eu, tu sais, toutes les petites affaires que j'ai dit tantôt. C'est peut-être moi qui est lazy, mais tu sais, j'aurais apprécié une lecture plus rapide, tu sais, des éléments du menu puis du mixage pour m'aider à mixer. Parce que je suis rendu à faire ça comme beaucoup pour aller plus loin dans le jeu parce que ça me prend les systèmes spéciaux. Fait que c'est vraiment juste ça. Sinon, j'ai adoré le fait que ça soit « to rely on your skills, man, that's it ». Ouais. Ça, c'est... Moi, j'étais comme, yes, man, hostie que je performe, là. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas de recommencer 20 fois, mais quand tu le passes, t'es fou. Comme au NES. Manger une volée, ben j'ai pas mis assez de temps dedans. Exact. C'est correct. Mais moi, je joue à Batman au NES présentement, puis je suis rendu comme au dernier niveau, puis là, je recommence. Mais tu sais, c'est une expérience que j'aime. Puis c'est un jeu qui se veut look rétro et aventure un peu rétro quand même. Fait que j'ai bien apprécié ça. Faut que tu t'investisses vraiment dans le jeu. Tu t'investisses. Ouais, mais c'est quand même pick-up and play. Aussi, là, le sentiment de satisfaction quand tu réussis à passer un niveau sur lequel tu as bûché des heures, là, c'est merveilleux ça. Oh oui. Là, tu te lèves, tu fermes ta console, tu vas te coucher. Mais moi, ce que j'aime dans cette forme de combat-là aussi, c'est que c'est en même temps, tu as une mémorisation à faire très rapide. T'sais. Ok, lui, tu lui donnes un hit, tu le laisses niaiser parce qu'il y en a un autre qui arrive en bas, là, tu te concentres sur lui, ok, il va popper là, souviens-toi d'où est-ce qu'il va popper. Sa balle, elle va faire ça à la crise de sorcière. Fait que tu lui donnes un hit, puis tu t'en vas parce que la balle va par là, puis là, va péter l'autre. Tu sais, c'est comme. C'est mathématique, tu sais, quasiment. Là. Ça, ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est du micro-management. Micro-management, tu sais, ultra rapide, de l'anticipation. Là. Ouais. C'est que moi, j'en suis venu à étudier chaque ennemi, vraiment. Puis ça, dans ce genre de jeu-là, normalement, je m'en sac des ennemis. C'est un peu plus générique. Puis ils ont pas mal toutes la même façon. C'est comme, OK, lui, c'est un coup. Lui, c'est deux coups. Lui, c'est trois coups. That's it, that's all. Mais ils ont tous vraiment une technique pour finir par les battre puis pas perdre de vie. T'sais. Un kick, un uppercut. Mais ça, j'ai vraiment apprécié ça. Je trouve qu'il y a une super belle variété des ennemis qui continuent tout au long du jeu. Mais c'est intéressant que tu parles d'étudier les ennemis comme ça parce que c'est comme ça que le jeu a été fait parce que je voyais comme Jonathan et Justin comme jouer comme des journées entières wave après wave, ils sont comme ben là cette wave là marche pas, c'est pas assez différent que celle d'avant, ça peut pas être tout le temps des ennemis aériens, ça peut faut changer ces affaires là. Fait que la même façon que il y a une belle variété, interagis avec ce jeu là, c'est comme la même façon qu'il a été fait, puis je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi que cet aspect là fonctionne bien là. Je me demandais justement par rapport à ça, est-ce que le jeu est fait pour que ça sorte de façon aléatoire ou vous avez vraiment programmé ça pour que chaque ennemi sort c'est programmé, au même moment puis ça paraît, là, d'un wave? Ouais, à force de répéter, comme je le sais, là, le style de hibou, man, à la cinquième wave, là, il y en a un qui part en haut, l'autre il va arriver 3 secondes après. Fait que 2 hits en haut, puis après je me concentre sur l'autre, tu sais, ça. OK. Ouais, c'est tout prêt. C'est toujours pareil. Okay. Toujours pareil. Ils sont programmés, mais il y a un level où ils sont random. Il y a un level caché où ils sont random. Oh, OK. Moi, je suis rendu là. Dans le niveau de Wizard, puis je spoil un peu, mais il y a 3 niveaux cachés après le dernier niveau. C'est exact. Puis là, le premier, c'est Wizard. Mm-hmm. Fait que je sais pas si les 2 autres, ils reprennent vos autres jeux, là, mais peut-être, là, tu sais. Peut-être. Mais c'est pas dans Wizard, en tout cas, qu'ils sont programmés. Crise de niveau, hein, je sais pas le bloc. Et là, le boss de fin, j'ai trouvé comment faire, mais c'est la mort qui vient me chercher. Anyway. Ouais, la mort. T'en as pas parlé de ça, Dom, non plus, ton analyse. Mort, ben non, c'est probablement la fois la plus chiante quand ça arrive, ça, la mort. Ça m'arrive pas trop souvent. Surtout quand c'est dans le boss final. Mais ouais, dans le boss, ça fait chier. Mais la mort, elle apparaît après 1 minute de ta wave si tu l'as pas fini. C'est exact. Un coup, tu meurs. C'est une métaphore pour la vie. Ouais, c'est ça. Mais elle fait partie de l'histoire aussi. Elle est reliée au personnage. C'est important de noter que tu peux l'esquiver puis réussir à t'en sortir. Pas rapide, là. Tu sais, t'as moyen de bouger en masse. Non, là, moi, j'ai réussi à m'en sauver pas mal tout le temps. C'est juste pour les boss que, comme GF dit, moi, c'est ça, la mort me tue à mon boss de Wizard. Mais les boss génèrent des ennemis, puis quand tu tues ces ennemis-là, ça te donne des items de temps. Fait temps que, pour ça, repousser la mort. Repousser la mort. Ben, l'ennemi que je suis rendu, justement, c'est parce que il drop 3 slimes, puis si je les laisse tranquilles, ils bougent pas. Puis la grosse slime que j'attaque, le boss principal, lui, il bouge. Mais là, faut que j'aille en tuer des petites slimes pour pogner, éloigner la mort. Mais fuck, man, je veux pas parce que ils me laissent tranquille quand je les laisse tranquille. Tu sais, c'est comme mon duel, man, je capote. C'est toi, tu veux juste vivre puis laisser vivre de même. T'es juste de même. C'est bourré de philosophie, le jeu, en fait, dedans. T'apprends l'erreur que je fais tout le temps maintenant, c'est ça, c'est que je vois des ennemis arriver, puis il y a les ennemis que j'haïs battre, puis ceux-là que j'aime battre. Fait que là, je me concentre sur ceux-là que j'aime battre. Mais ceux que j'haïs, ils me détruisent, puis ils en mettent encore plus. Finis plus, gars. Fais l'inverse, Bruno. Ouais, commence par les plus durs, je veux dire. C'est ça, commence par les plus durs tout le temps. Fait qu'un beau jeu, les gars. Félicitations. Merci vraiment, c'est bon boulot. J'ai vraiment le fun. Très apprécié. Merci aussi pour le rating, c'est super gentil. Et puis, je pense qu'à date, ça s'en vient notre jeu le mieux coté, je pense. Que Ah ouais? Sûrement, je pense que c'est ça. Sur Metacritic, un meilleur code que Mercenary, quoi. J'ai pas checké sur Metacritic. Parce que Metacritic, il faut que tu aies comme 4 reviews plus gros pour qu'ils commencent à comptabiliser le reste. Ouais. Fait que ça, j'ai pas regardé aujourd'hui. Mais c'est ça, je pense. Ça tourne pas mal tout du 7.5 au 8.5. Okay. Ce qui est vraiment nice. Puis pour, mettons, Mercenary King, ça avait fluctué un peu plus malgré que c'était bien, là. Fait que non, c'est, on a des très bons ratings pour le jeu, on est très contents. Ouais, mais c'est un très beau jeu, puis je pense que ça cadre beaucoup avec la clientèle rétro nouveau. C'est un nouveau jeu, il y a un feeling rétro, puis il y a cette espèce de... Justement, moi j'ai vraiment aimé le défi, puis du fait que c'est dur, puis là je suis bien en retard sur mes collègues, là, mais je vais continuer pareil parce que je veux juste voir c'est quoi qui se passe. Ah non, on y retourne tout le temps, on se fait sacré à voler, mais on veut tout le temps en avoir plus. Moi, justement, j'ai une question par rapport au jeu. Est-ce que vous comptez l'année sur d'autres plateformes par la suite? Parce que moi, je pensais, quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai tout de suite pensé mobile. Je sais que c'est mal vu, là, mais sur le mobile, souvent, les jeux avec juste des boutons gauche-droite puis un bouton de saut, ou un bouton de punch, il y en a beaucoup. Puis ça fait beaucoup d'argent. Fait que je me demandais, est-ce que c'était un plan pour vous autres ou est-ce que vous le savez pas? Ou... C'est pas dans les plans encore. On a déjà essayé la chose avec Wizard parce que ça fitait quand même bien avec le touchscreen puis un jeu comme Brick Breaker. C'est vrai. Puis après ça, on s'est dit que déjà avec des Virtual Buttons, ça marche jamais vraiment super bien. Là, donc on va voir, mais moi je serais pas un fan de personnellement. Je sais, mais tu sais, le marché est quand même gros. Mais on préfère une version toned down un peu du jeu. Si on peut dire, mais en fait, moi, tu sais, comme entre autres, nous autres, il y a un jeu qu'on a beaucoup aimé, toi, Fumant, qui s'appelle, Slay In. Mais il n'y a pas de move, tu fais juste sauter. C'est un jeu vraiment adapté pour le. Mais... C'est exact. Curses and Chaos, il faut vraiment que tu sois précis, là, que tu connaisses les hitbox de tout le monde. C'est ça. Moi, je pense que ça serait trop tough. Ouais, c'est vraiment c'est difficile. Bon. Est-ce qu'il y a des parts genre que vous pouvez nous parler à ce point-ci? Ou y a-t-il d'autres projets pour la Curses and Chaos? Ben, pour Curses and Chaos, on est en train de regarder ce qui se passe. Là. On n'a pas trop de projets avec ce jeu-là pour l'instant. Là. On est encore avec Mercenary Kings là, qu'on aimerait sortir sur Vita. Puis... C'était ma question. Ça va faire un segue vers Tribute et nos questions en général. Ça, c'était une de tes questions. Mercenary. Parce que moi, c'était une de mes questions parce que Mercenary Kings, j'ai arrêté ma partie en attendant désespérément. T'es pas la première la personne à me dire ça quand sur vu que je run les médias sociaux de Tribute. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent aussi. Il y a beaucoup de monde qui l'attendent. Puis il y a beaucoup de monde qui dit j'ai juste arrêté ma game. Puis j'espère qu'il va être comme cross-buy. Puis qu'on va pouvoir le ramener. Cross-save, tu sais. Moi, j'attends ça pour jouer en fait. J'ai pas d'autre façon d'y jouer. Mais non, mais c'est parce que c'est le genre de jeu aussi, justement, avec du grinding et tout ça. Je trouve que c'est parfait là, pour un jeu on the go. Là. Dans le métro, là, tu t'en vas genre grinder un peu de matériaux, puis après ça, tu vas à ce côté, puis tu retournes sur ta PS4, tu continues avec des amis. Là. Fait que vous travaillez là-dessus présentement? On est encore en train de comme... évaluer la faisabilité. C'est ça notre plus gros... front d'attaque là, dans les mois qui suivent. Est-ce que c'est la plateforme de programmation qui vous cause des problèmes? C'est un peu les décisions de développement là, qu'on a prises au début de la compagnie qui nous met des barreaux un peu dans les roues en ce moment. Avec Curses and Chaos, c'est comme on s'en va dans cette direction-là. Là, on a comme refait un nouvel engin, un nouveau moteur. Puis qui nous permet d'ouvrir des portes sur plus portable, plusieurs portables, en fait. Ouais, sur plus de c'est plateformes. Votre engin propriétaire que vous avez développé. Ouais, exact. Là. Est-ce que Michael a travaillé sur cet engin-là? Ouais, exact. Il m'en a parlé. LaRouche, Michael LaRouche. On le salue. Michael LaRouche. LaRouche. Mais une affaire aussi qu'il faut dire, c'est qu'il parle des décisions qui ont été prises. Quand c'était le temps de mettre Curses and Chaos, quoique achetez-le sur PS4, mettre Mercenary Kings sur PS4, c'était une époque où il n'y avait rien sur PS4. Et l'infrastructure de. Tu sais, on avait des test kits tout nouveaux dans le bureau. Gros et dispendieux. Exactement. Et fait que là, Jeff, comme j'ai été témoin de ça, il était comme un peu seul à la mer pour trouver une façon de mettre ce jeu-là sur cette machine-là. Ben oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Là. Il n'y avait absolument rien. Puis, tu sais, des me semble qu'une fois, t'as dormi au bureau, puis il y a eu des moments comme ça. Justement, par rapport à ça, comment ça a été de travailler avec Sony? Parce que ça a été, Mercenary Kings, il était gratuit pour les membres du PlayStation Plus. Ça, comment ça a fonctionné pour vous autres? Ouais, ben c'est quand même intéressant leur système. Là. Ils font, je sais pas à quel point je suis supposé en parler, là, mais ils font un genre de buyout dans le fond. Okay. C'est que ton jeu, il est gratuit pendant un mois. Puis toi, il faut que tu essaies de deviner si ton jeu va vendre mieux que ce qu'il t'offre comme, comme montant. Puis c'est quand même intéressant parce que quand on a sorti en PS Plus, on s'attendait à ce que ça tue toutes nos ventes sur Steam puis que personne qui décide de payer. Mais ça a tellement créé du buzz qu'après ça, nos ventes sur Steam ont explosé. Wow. Donc c'est génial, quand même assez particulier. Là, Puis JF, justement, moi je veux parler de ton expérience sur stage de Sony parce que quand t'avais une manette dans les mains à faire la démo de Mercenary Kings. En tout cas, pendant le panel des indies, c'était comment d'être... C'était une chance comme incroyable. J'en reviens pas que... D'un, c'était mon rêve d'aller à l'E3 à un moment donné, juste comme... C'était ta première fois en plus? Ouais, exact. L'E3? Juste de première fois en plus, wow. Mais là... D'être là au reveal de la PS4, là, il annonce, c'est ça que ça va avoir l'air, là, la PS4. Ouais, c'est incroyable. Puis voici les jeux qui vont sortir. Puis, en tout cas, c'était une chance incroyable. Puis le line-up des indies était tellement excellent quand vous êtes arrivé là. T'sais. Ouais, c'était tellement un blow contre Xbox One qu'il était comme voici nos indies Minecraft. Puis après ça, ils ont sorti un PS4 ou Sony, disons, ils ont annoncé leur projet indie, puis eux, il y avait 9 jeux vraiment indie qui font pas des milliards de dollars. Ils apparaissaient un après l'autre. J'imagine, toi, justement, avec la manette dans tes mains, t'espères que ton kit ne fuckera pas. Ouais, exact. Puis en plus, c'était comme pas stagé, notre affaire. Là, j'étais vraiment timé là, avec... je voulais essayer de montrer un des boss du jeu. OK. Mais... J'avais juste un certain temps là, pour me rendre au boss, le trouver. Puis il fallait pas que je le tue non plus parce que sinon ça serait plate de montrer le loading. Là. Alors, c'était vraiment, vraiment stressant. Puis aussi, il était encore work in progress, donc il fallait pas que ça crash. Donc j'ai pas eu aucun de ces problèmes-là. J'étais vraiment content. T'as perdu 5 livres en sueur. Mais sérieux, c'était une super belle job parce qu'il y avait aussi proche de toi, je pense, c'était Ray of the Dead. Puis lui, vraiment montré un gameplay super générique, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, j'étais comme, oh my god, ça doit tellement être rough quand le gars, il retourne avec ses collègues, tu sais, parce que c'est une grosse job. T'avais pas une grosse fenêtre quand même pour montrer le jeu. Cool, là, je pense que vous aviez comme 15 secondes chacun. Ouais, puis après, il fallait quand même continuer à jouer parce que le jeu, il était quand même en background. Là, puis nous, on était dans les premiers, là, donc... je faisais semblant de tuer le boss vraiment lentement. Puis une autre anecdote, là, c'est... Il y avait quelqu'un qui travaillait pour Sony que entre les pauses, il allait jouer à notre jeu. Il était comme addict au jeu, mais je le savais pas. Puis quand je suis tombé sur le stage, mais il était pas où que j'étais supposé de prendre le jeu. Donc là, pendant que les lumières étaient fermées, tout ça, il a fallu que je me dépêche, je sorte du menu, je l'ordre le bon niveau, tout ça. Ah, c'est vraiment stressant. T'as des bugs, c'est tout des menus des bugs, genre. Puis, ouais, non, c'est ça. Ça sort vite, là. Ouais. Aïe, ça s'est bien passé. Puis là, justement, ben pour Curses and Chaos, c'est encore sur les plateformes de Sony. Est-ce que vous avez eu un deal d'exclusivité ou quelque chose? Ou est-ce qu'ils vous ont amené la suggestion d'amener ça sur les plateformes? Ben en fait, c'est pas mal nous qui leur a proposé le jeu. OK. Puis, en tout cas, je sais pas ce qui se passe avec la Vita, mais je pense que ça nous nuit un petit peu parce qu'ils ont l'air de... un petit peu mettre ça de côté. Là. Ouais. Donc là, à l'E3, justement, ils ont eu absolument aucune annonce. Moi, ça m'apporte à une autre question. J'achale Jonathan à peu près 2 fois par année pour qu'il porte Ninja Senki, le premier de son nom, à la 3DS. 3DS. Mais là, vous n'avez pas de dev kit de 3DS, non? Non, pas encore. Comment ça marche, les dev kits? Tu le commandes? Tu l'achètes? Ouais, ben c'est quand même particulier là, mais Sony puis Microsoft ils ont comme des plans pour les indies pour aider justement à faciliter ça. OK. Puis Nintendo ils ont rien. Il faut dépenser des milliers de dollars pour une console. Des milliers de dollars par jeu pour mettre le jeu sur leur plateforme. Pas seulement par jeu là, mais juste pour commander le dev kit. Puis après ça, tu sais justement nos jeux sont T'sais, c'est des jeux 2D, mais le moteur en arrière est quand même assez complexe. Ça garantit pas qu'on va réussir à le faire marcher sur ces machines-là. Donc, c'est comme un gamble d'une certaine façon. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est des jeux qui marcheraient bien. J'ai pas jamais un scenery, là, mais Ninja Senki, Wizorb, Curses and Chaos, ça sonne 3DS. Ouais, ça fit très bien. Là, mais C'est sûr que c'est un investissement d'argent, de temps. Tu staffes ton équipe, 6 personnes. Dev kits, des test kits, puis... Mais c'est dans mon projet éventuel, là, parce que c'est là qu'on a fait nos débuts. Là. On a fait des jeux Game Boy Advance pendant plein d'années, puis c'est une plateforme qu'on adore. Donc c'est sûr qu'on aimerait ça y retourner éventuellement, mais pour l'instant, on a d'autres priorités. Non, c'est aussi que ces opportunités-là, faut aussi que tu cours après énormément. Il faut que tu fasses une relation avec une personne qui travaille là-bas, puis que tu échanges du temps avec. Puis nous autres, c'est ça, on est 10. Nous autres, il faut qu'on fasse les jeux, tu sais. Oui. On a récemment engagé un operations manager, pour mieux runner toutes les opérations de place pour que tout le monde puisse plus se concentrer sur faire des jeux et genre payer le loyer. Puis des affaires comme ça, ça a l'air niaiseux, mais en tout cas, j'imagine que toi, ça t'allège plus ta job à toi, JF, que la mienne. En fait, la mienne est devenue plus substantielle. Mais c'est arrivé qu'on a eu des visites de gens de Nintendo, comme je me rappelle, il y a du monde qui sont venus nous montrer le 3DS un peu avant qu'il sorte, des affaires comme ça. La new 3DS. Pis, la nouvelle 3DS, puis tu sais, ça c'était vraiment cool. Mais en même temps, nous autres, c'est plus comme hey, amenez-nous un dev kit. Là. Ouais, c'est ça, de voir la machine, ça change rien pour vous autres. C'est ça, tu sais. D'ailleurs, un dev kit, ça a l'air. Juste pour dire de quoi ça a l'air, comme je me rappelle, parce que Nicolas ici, on a parlé tantôt, on a réalisé qu'on a travaillé ensemble chez Behavior, dans le temps que ça avait un nom de catégorie de film de site pour adultes. Ouais, comme dans Clerks 2, là. Ouais, c'est ça. Ça s'appelait A2M à l'époque. Ça s'appelait A2M, mais tu sais, les dev kits de Nintendo sont tellement no frills. Le dev kit du DS, c'était comme un DS avec un gros câble qui est plugé dans une boîte en métal qui ressemble comme à ce que tu trouves dans la Batcave d'Adam West. Là, il est quasiment écrit comme DS Developer Kit. C'est juste une grosse affaire en métal avec un tube. Ça me fait penser à la GameCube, la Dolphin, en fait. Ouais. C'est ça, la grosse boîte en métal de la capture, on l'avait à Monsieur Mais Monsieur Net, vous aviez... Ça, c'est un kit spécial juste pour faire la capture. Ouais. Mais les kits de dev, ils ressemblent à ça, tu sais... c'est ça, là, comme ça a été bien décrit par Yannick. Là, c'était précieux. Mais cette affaire-là, tu peux l'échapper. Oui. Mais c'est... C'est pas super glorieux. T'sais, même les kits, là maintenant, les kits modernes. T'es comme, ça coûte tant d'argent cette affaire-là, on dirait un intercom. comment ça coûte, sérieux? Genre. Ben, je vais pas laisser les gars, tu sais, mais à l'époque, il y avait des. Tu sais, genre des 10 000 piastres. Des kits de DS, là. Ouais. 10 000 piastres. Ah, DS, je sais pas, là, mais tu sais, des kits early, là, mettons, Xbox 360, PS3, c'était des 10 000, tu sais. Puis, t'as des affaires qui. La console est même pas prête, t'sais. Tu reçois une affaire qui est comme gros, comme ça prend moitié d'un bureau, là, t'sais. Mm-hmm. Puis là c'est comme hey, ça c'est pas le vrai hardware final là, mais c'est à peu près ça, tu peux développer là-dessus puis ça va être correct là. Ouais, by the way, t'as 4 fois plus de mémoire que tu vas en avoir là. On sait pas encore combien la version finale va en avoir là, mais fais ton affaire, puis si ça fait pas, ben tu l'ajusteras plus tard, t'sais. Fait que... Le dev kit du PS4 a de l'air d'une radio des années 40 qui vient du futur. Wow. C'est comme il y a comme des boutons bizarres, puis il y a comme des. Il y a plein de lumière. Il y a plein de lumière. Je sais toujours pas c'est ça. Ils sont cool. Il y a un gars qui s'explose. Là, ça doit il y a un gars qui valeur, est designer industriel. Il regarde des vieux livres. Toi, c'est ça que je vais faire. Moi, je voulais vous demander justement parce qu'on parle des jeux depuis tantôt là, les jeux qui vous ont le plus marqué. Vous autres, puis qui vous ont le plus inspiré à faire des jeux vidéo, ça serait quoi? Sans dire des inspirations directes de vos jeux que vous avez créés. Moi, j'ai entendu parler de Monster Hunter. Ouais, vous êtes tous des fans de ça là-bas. Moi, je ne suis pas, mais c'est un culte qui a au bureau. C'est et ça. Que... C'est un culte chez Tribute. À une époque aussi. Comme, dis que t'aimes ça, Yannick. On te paye tabarnak. Tu me fais mal. Tu peux aimer ça. On va s'en parler à ton évaluation. Pas d'esprit d'équipe. Cocher. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme on a Paul qui, lui, est en Australie. Fait que là, il fallait que. y a des segments du bureau qu'il fallait qu'ils se timent avec Pan Australie pour faire leur game de Monster Hunter, puis okay. des affaires comme ça. Là. Ouais, wow. C'était un véritable culte. Puis quand la conversation commençait, ben là, tout le monde, ça devient sa propre petite orbite qui fait disparaître tout. Sinon, il y a aussi Mega Man là, qui est... Ça revient dans tous nos jeux, là, je pense. Ouais. Là, les références, il y a Castlevania. Ouais, je sais pas si. Il y a pas mal de jeux rétro. Là. Ouais, je pense qu'à un moment. Comme, tu sais, on veut faire Ninja Sinki DX qui. Hey, c'était une question, je pensais que c'était un spoiler. Mais qui est supposé aller sur notre console éventuellement. Oui. Puis, c'est un platformer, puis il est vraiment le fun, mais je pense qu'on cherche toute une excuse bientôt de faire un Mega Man. Ouais, éventuellement, on va faire un Mega Man. Ben, c'est très Mega Man, Ninja Sinki. Ben, tu vois, c'est né de tout ça. Mais, c'est Jonathan qui va le faire au complet, lui tout seul, hein, je pense. Tel un grand. Comme tel un grand, c'est ça. C'était son premier jeu qu'il a fait gratuit en fondant Tribute, dans le fond. Ouais. Puis là, comme après toutes ces années, puis moi, je l'achale. Je dis, okay. Man. DX sur 3DS, tu sais, ça nous prend ça. Puis là, il va le faire, mais pas sur 3DS. C'est dans le rêve d'être travaillé. D'ailleurs, Patrice va remixer les tracks du premier. C'est lui qui avait fait la musique du premier Ninja Sinki. Puis, tu sais, il a quand même, en tant qu'artiste, beaucoup évolué depuis ce temps-là, grâce à vous, parce que vous lui donnez du travail, tu sais. Puis il explore, puis il essaye des affaires. Mais là, ça va être cool, parce qu'il va reprendre les tracks, puis il va comme donner un punch, tu sais. Il va les amener ailleurs avec des plus longs loops, puis tout. Fait que ça va être très intéressant pour ceux qui l'ont essayé. Mm-hmm. Moi, je l'ai pas essayé, j'ai pas de PC. C'est comme mon rêve d'essayer ces jeux-là, Chris. Pas de PC, pas de PS4. Mais bientôt, tu vas l'avoir. Rétro, all the way. Je sais, je vais l'avoir, man. En plus, c'est bientôt le 5e anniversaire là, de Ninja Sinki. Ouais, quand même, ça, hein, ça c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Puis justement, par rapport à ça, sur quelle console vous aimez le mieux développer? Ouf. Bonne plateforme, question. Je voudrais dire à la place. C'est plus plateforme. Ben, je pense. Sur PC, c'est plus simple. PC, ça a des avantages. Ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir faire une mise à jour dans assez deux minutes. Là. Ouais, c'est si, ça. Si tu te rends compte que tu as vraiment foiré quelque chose. Ben, le monde n'y attendra pas 2-3 semaines avant de pouvoir continuer le jeu. Jeff, tu peux te parler du processus maintenant de faire une patch pour quelque chose sur PlayStation 4? Comment tu vis ça? Disons que c'est vraiment proche de dans le temps là, où que tu sortais un jeu puis t'espères que t'as pas de bug parce que sinon toutes tes copies te reviennent. C'est encore très très rough. Wow. Mais ça reste que c'est quand même une plateforme le fun parce que tu sais que tout le monde qui a une PS4 va être capable de rouler ton jeu. Là. Ouais. Si ça marche pas, c'est à cause que toi t'as fait une gaffe. Là. C'est pas parce que la personne elle a deux écrans ou elle a pas de manette. Ah, c'est ça, hein, c'est vrai. Ouais. Sur PC, vraiment... des fois, c'est surtout la machine qui... Ouais, ben c'est des configurations multiples incroyables ouais, à tester. Ça, c'est ça. Ouais. Chaque PC est différent. Si vous avez fond, un lab de PC avec ça prend telle carte vidéo, là, tu vas avoir Nvidia, là, tu vas dire ah ouais, ça marche pas là-dessus, mais ça marche bien avec les ATI. Ou, ben, c'est ça, des gens m'écrivent, là, comme mon jeu a des problèmes, ben, je dis ben envoie-moi ton setup d'ordinateur, voir que. Puis là, je dois apporter ça. Photo des câbles. C'est ça, puis je dois envoyer ça à ce gentleman ici qui lui essaie de. Qui deal déjà avec trois autres affaires. Puis là, il achète la carte sur eBay. Dans son ordi. Le meilleur, là, c'est Windows 10. Là. Ouais. Il y a du monde qui dit que le jeu il crash admettons, sur Windows 10. Mais là, moi, je peux pas upgrader à Windows 10 parce qu'il faut que je le réserve puis j'attende en fil comme tout le monde. Là. Je sais pas trop. C'est quoi le système, là, en tout cas. Parce que c'est ça qui est drôle parce que le public, en fait, pense que vous autres, vous avez vraiment comme une clé magique chez tous les chez toutes les plateformes finalement puis que vous faites comme ah ben t'as toutes les ressources t'as tout ce qu'il te faut tout le temps rêve. En tout temps le rêve mais c'est pas ça tu sais c'est plus compliqué quand c'est même c'est de la job de bras tout le temps mm-hmm. Ouais ouais non mais c'est parce que tu sais c'est ça que je trouve fort quand même c'est comme tantôt vous parliez de Nintendo tu sais ça serait dans le fond à vous d'aller chercher Nintendo de faire comme hey on veut le kit de développement faut qu'on paye pour avoir le kit de développement puis il faut qu'on débourse en fait pour se retrouver sur votre plateforme où c'est plus difficile de sortir un patch puis t'espères pas sortir un patch. Je trouve ça quand même poche qu'en 2015 ça soit encore comme ça. T'sais, on devrait donner plus d'outils aux artistes indépendants pour qu'ils créent plus de jeux parce qu'en fait les jeux des indépendants sont souvent des coussins entre les AAA. Ouais. Puis ça je trouve que c'est comme dans le fond comme une richesse qu'on ben a. Ben oui. Puis ben, c'est partie intégrante, ça fait partie du paysage, ben oui. C'est super mais, important. Mais c'est rendu c'est que, tu sais, moi je pense que ça fait partie du processus décisionnel d'acquisition d'une console. T'sais, tu regardes, oui. Souvent, tu sais, la plupart des AAA, tu sais, 80% sont portés ces deux plateformes. Tu dis, bon, OK, les indies, on dit, oh, ça c'est cool. Ben moi, je me suis pogné une Vita strictement pour les indies, parce que j'ai pas de PC, que j'en aurais pas. Mm-hmm. Fait que je me suis pogné une Vita pour ça, parce que sur Nintendo, sur 3DS, il en sortait pas assez, mm-hmm. tu sais. Moi, je veux pas jouer à Mario Kart, man. Ça m'intéresse pas. T'sais. Je veux jouer à des jeux indépendants, justement. Oh oui. C'est Vita qui me l'offre. Là. C'est pour ça que j'attends après vous autres, tout le temps. Mais c'est quand même intéressant parce que quand on a parti de la compagnie, on a vraiment tout misé sur l'Xbox 360 parce que à ce moment-là, en 2011, là, Xbox Live Arcade, c'est la place à être. C'est là que Castle Crashers a connu succès et tout ça. Il y avait quand même des possibilités. Là. Il y avait Xbox Live Indie Games. Oui. Donc, on a tout conçu notre moteur. Là. Toute notre technologie était misée sur « on sort sur Xbox 360 ». Ça va être bon pour toujours. Ouais, c'est ça. Mais... ça va bien aller. Ouais, non. Mais puis finalement, dans les trois grosses compagnies de consoles, mais Microsoft, c'est les derniers qu'on a réussi à contacter. Là. Ouais. Qu'on a eu un contact, jase avec. C'est les derniers qui nous ont donné des nouvelles. Donc, ça a été un gamble très coûteux. Puis c'est ça, on s'est adapté. Puis Sony, c'était vraiment sûr qu'on a travaillé le plus tôt avec. Là. Puis c'est pour ça qu'on sort plus sur Sony. Là. Oui, ben ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est des décisions difficiles à prendre. Ah ben tu sais, je peux juste imaginer que comme indépendant, tu sais, t'as pas un gars là, que sa seule job c'est de certifier ton jeu à 100% puis de faire la relation avec les first party, tu sais, puis comme les grands studios ont, là, fait que ça doit être, ça vous bouffe du temps, tu sais, puis c'est le processus de certification, je l'avais déjà parlé un moment donné dans une autre émission, c'est long, puis c'est pénible, tu sais, c'est quasiment comme faire tes impôts, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Ouais, fait que chapeau les gars là, ouais, c'est quelque chose que t'sais, on se tiraille encore avec. Si ça avait été de nous, Curse of the Chaos serait sorti vraiment plus tôt là. Ouais. Mais c'est ces affaires-là de certification qu'il faut que tu te chamailles avec ça, puis il faut que justement c'est une t'es indépendant, puis ça c'est une compagnie gigantesque, fait qu'il faut que tu te plies à eux. Ouais. Pis... Sauf qu'en même temps, ça te donne une fenêtre incroyable. Là. Je veux dire, le jeu il est sorti, puis je veux dire, on le voit partout, puis le nom se propage puis se partage assez rapidement, puis ça serait quand même assez difficile de faire ça vous-même, tu sais. Ouais, définitivement. Là. Si c'était juste de nous, je pense qu'on ferait juste console, mais c'est de la job. Non, c'est de la job pareil. Moi, je me demandais, parce que j'ai entendu un gars dire un moment donné comme « Bah, Tribute s'appelle Tribute parce que dans le fond, ils empruntent toutes leurs affaires aux autres jeux. » Moi, je pense que c'est... Tu que mon père, c'est rend hommage. C'est ça. Mais non, mais justement, si vous aviez à expliquer pourquoi vous vous appelez Tribute, comment vous direz ça? Ah, c'est vraiment difficile à dire. Là. Ça a été tellement pénible de trouver un nom là, de compagnie. Là. Ah, c'est... ça fait chier, man. C'est trouvé des noms. Non, c'est vrai. Là, j'essaie juste de trouver un nom pour une page de gars qui trippent sur le rétro gaming, tu sais. Puis, man, on s'en sort pas, là, tu sais. Mais trouver un nom de compagnie, tu sais, j'ai eu ça à faire ça souvent. Ah, parce qu'il faut que tu vives avec après, tu sais. Oui, exactement. Mais le pire, c'est que n'importe quel nom, anyway, rentre dans la tête des gens, puis ça reste, tu sais. C'est comme les enfants, tu sais. Tu nommes un enfant, t'es comme, pas sûr. Puis finalement, même si tu l'as appelé Caboche, ton enfant, ben, ta tante va l'appeler Caboche, tout le monde va l'appeler Caboche, puis ça va être bien correct. Mais c'est ça, c'était vraiment particulier. Là. On a, je pense, accroché sur Tribute parce que ça sonnait bien, puis c'était court. Puis là, malheureusement, Hunger Games est sorti, puis là, il y a les Tribute Games. Ouais. Là, donc c'est là, vrai, quand tu cherches Tribute, tu t'as des affaires de Hunger Games. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Donc, on a mal fait nos recherches, mais en même temps, ça n'existait pas encore. Non, mais c'était pas Hunger Games. Vous avez mal appréhendé l'avenir, Rusty, là. Fuck you, Katniss! Au gaz. Investi dans une boule de cristal. Là, ouais, non, c'est ça. Mais comme on a sorti un jeu juste pendant un jam là, qui s'appelait Friends Till the End. Oui, le petit jeu d'hélicoptère. Hein? Ouais, exact. Puis ça, j'ai toujours une colonne dans mon Twitter qui est juste pour cette feed-là. Mais c'est juste des petites filles de 12 ans qui, qui dit qui envoient des messages à leurs amis friends till the end, we're best friends till the end. Donc, non, mais moi je trouvais ça poétique comme nom pareil. Ouais, c'était magnifique. Je trouvais ça parfait. Ouais. Ouais. C'était juste c'est un petit gars qui fait marcher son hélicoptère. Puis son RC Helicopter, puis son ami pour toujours, lui, ouais, son hélicoptère, tu sais, je trouvais ça comme très joli, tu sais. Ouais. Ça, c'était hot. Faut pas avoir peur, man, de donner des noms dans la vie. Mais moi, c'est ça, Tribute, je l'ai toujours vu, puis je trouve que votre logo est très bien choisi, c'est comme une espèce de cœur encadré. Moi, je le vois comme un hommage, puis du fait que vous êtes visiblement des passionnés des jeux rétro, des trucs qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune en tant que gamer, puis que là, vous faites des jeux qui vous ont... Qui rend hommage à qui cette époque-là. Plutôt que de dire, ben, on prend des bouts de tous les jeux puis on fait des jeux parce que ça donne l'impression d'être des nouvelles expériences, même s'il y a des inspirations. Ben oui, c'est ça. T'sais, on fait des jeux qui empruntent des affaires, des textures de cette époque-là, mais qui n'auraient pas pu être faites autant de la même façon à l'époque. Ouais, je regarde Mercenary Kings, il y a plein de trucs techniques là-dedans qui étaient impossibles dans le temps. Ben, tu sais, c'est ça. C'est une affaire que quand j'ai commencé à travailler avec la compagnie pour faire les médias sociaux, surtout quand le jeu, quand Mercenary Kings est sorti, ils ont dit comme des graphiques que je pouvais avoir sur mon Super Nintendo, puis je répondais tout le temps à ce monde-là. Comme, non. Là, je suis comme, ben, il n'y avait pas 150 frames d'animation sur des boss sur Super Nintendo. Exact. Chose. Ouais. Je répondais beaucoup des affaires à cette heure, je laisse ça aller, je m'en sacre. Mais justement, c'est une affaire comme, OK, les boss de Curse and Chaos ont comme 4 ou 6 couleurs chaque, mais ils ont des frames d'animation vraiment nombreux sont et complexes. Ben c'est oui, ça, ben oui. On prend la texture d'autrefois, puis tu sais, souvent quand je vois du monde, mes dires fait comme, tu sais, ils font juste du pixel qui fasse quelque chose de nouveau, mais tu sais, c'est quoi quelque chose de nouveau? C'est du 3D réaliste, c'est pas vraiment bon non plus. Moi, je vois ça comme du monde qui sont contre les films, mettons, en noir et blanc ou qui haïssent quelque chose parce que ça serait en noir et blanc. Puis je suis comme... C'est une belle analogie. Schindler List. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Schindler's List, c'est vraiment de la merde. Hein? Fox Spielberg. Fait que, tu sais, il a pu le faire en couleur. C'est ça. J'ai payé 10$. Spielberg, pour ça, c'est juste un gars qui fait des films en noir. À place de dépenser de l'argent pour juste un manteau en couleur, là, pourquoi pas le reste? C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça qui est là, ça veut dire. Pour le monde qui critique ça, il y a tout le temps des débats comme est-ce que les jeux vidéo c'est de l'art? Ben, si tu penses que les jeux vidéo c'est de l'art, il faut que tu acceptes qu'il y a du monde qui veulent juste faire quelque chose avec des palettes particulières, avec des looks particuliers, puis des styles particuliers, puis nous autres, c'est ça qui nous intéresse. Tu sais, le pixel, c'est juste des grilles de couleurs dans le fond, puis de la façon qu'on peut remanier ces grilles-là visuellement, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est ça qui nous fait comme capoter. Puis moi, je suis un artiste, puis je pense, Bruno, t'es un artiste aussi, puis je pense que tu vas être d'accord. Pour réussir à créer quelque chose, ça te prend quelque chose, ça te prend des paramètres. Mm-hmm. Ouais. Puis si t'as jamais de paramètres, de budget ou de look ou de whatever, tu fais juste étaler tout le temps, man. Puis ton stock, il y a pas de forme, il y a pas de spécialité, tu sais, il y a pas de personnalité. C'est ça. Fait que ça prend ça. Puis des paramètres, quand t'en as pas, tu t'en imposes. Ah oui. C'est comme ça que tu réussis à sortir de quoi, tu sais. Puis à dire, nous autres, notre direction artistique, tu sais, nos goûts, nos affaires, ça s'en va dans cette direction-là. Au lieu de, on devrait peut-être essayer de faire du 3D réel, tu sais, on devrait peut-être essayer de faire ça, tu sais. Jamais que tu vas réussir quand tu fais ça, tu sais. Parce qu'il y a une cohésion aussi dans tout ce que vous faites, ce qui est très intéressant parce que la plupart des compagnies l'ont pas, ça. Ils vont essayer plusieurs choses différentes, mais en allant dans plusieurs styles différents, vous autres gardez quand même une certaine facture visuelle qui vous identifie tout le temps. Fait que ça, moi, je trouve ça bien le fun. Moi, je me demandais justement par rapport à tout ça, par rapport à la facture visuelle, est-ce que vous avez déjà pensé aller complètement ailleurs? Parce qu'on a... J'ai vu justement les BD d'Yannick. Il y a des BD de... Ben, c'est moi qui les ai écrits, mais c'est Stéphane qui les a dessinés. C'est ça, c'est Stéphane qui les a dessinés. Justement, d'aller dans un look moins 8 bits, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté ou vous a dit, ben nous autres, on reste vraiment avec le look qu'on a établi jusqu'à maintenant? Ben, je pense on n'est pas contre changer de look ou aller en 3D, mais je pense qu'on va tout le temps rester à nos sources de Je sais pas si on va en 3D, ça va être vraiment du low poly, oui. Vraiment rough, pas de texture ou Nintendo 64 style. Exact. Ouais, exact. Vraiment ça. Imagine un Star Fox 2.5 là, à l'heure, ça va être ça. Là. Ça va être ça. Vous avez pas pensé genre digitaliser votre photo puis écoute, c'était l'étape après. Il y a une époque. Un jeu Sega CD, man. Est-ce que je peux parler de la fois qu'on a été contacté par les gens qui représentaient un artiste populaire? Il y a un moment donné, on a été contacté par des gens qui représentaient un artiste populaire américain. Ouais, je pense qu'il faut que ça reste. Mais je vais rien dire de plus de détails. Puis là, on disait, hey, cet artiste-là voulait qu'on fasse un jeu pour lui. Et ben, ça n'a pas été vraiment loin parce qu'ils sont jamais, ils nous ont jamais revenus avec des chiffres, puis des budgets, des affaires comme ça. Là. Nous autres, on est comme, ah, c'est peut-être intéressant, envoyez-nous un budget, puis on va voir si on dépense maintenant là-dessus. Puis là, vu que ça mettait un artiste populaire en jeu, ben on se disait, ben les gens vont vouloir voir ce genre-là, cette personne-là dans le jeu. Fait que là, on s'en se dire, ben, digitalisé comme Mortal Kombat, est-ce qu'on essaie dessus, tu sais, est-ce que ça serait... Ça aurait été malade. Mortal Kombat ou... Shaq Fu. Night Trap ou... Les gars dehors, les DP, ils auraient été vraiment contents. Dominique, je t'ai dit de pas mentionner... pas mentionner Rain Maida sur ce podcast. Arrête, c'était I Mother Earth dans le fond. Hey, Dig, excellent album. Rain will fall. Fait que, tu sais, mais, tu sais, Jonathan, il a dit de faire un jeu en digitalisé. Moi, j'appelle ça digitalisé. Il y a un meilleur terme pour ça, mais comme Mortal Kombat classique, comme Colin, le très horrible. Chaque fou. Ben, tous les jeux de 3DO puis de Sega CD. Ouais, merde. Mais, tu sais, Batman Forever ou Super Nintendo aussi, il est comme digitalisé là-dedans même, là, tu sais. Ouais. Il est comme. Vous devriez faire ça, mais qui joue bien. Ben, vous jure, même le monde, ils chieraient dans leurs jeans. C'est peut-être. Ils vont t'écouter. Ils vont en vendre 7. Damn you, papa cassé. Ces 7 gars-là, man, vont chier dans leurs jeans. Puis c'est ça, ils vont lever le poing au ciel. Cassette! C'est ta faute. Non, moi je pense que ça de près, on serait en train de photographier genre un cascadeur dans un costume rough devant un écran vert pour être comme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? je pense que ça serait un projet vraiment le fun, mais l'affaire, c'est que avec un autre outil avec le Pixel, puis tu vois aussi avec plein de studios indépendants que tu sais, ouais. les looks qui utilisent du Pixel, il y en a que c'est plus polish que nous autres, il y en a que c'est moins polish que nous autres. C'est facile à exécuter et à créer et à rendre vivant facilement. Fait que je pense que c'est une raison pour on travaille tous avec des vraiment bons artistes qui peuvent faire vraiment du bon stock. Fait que à cause de ces. Pour nous, parce qu'on a tous travaillé à plein de places avant pour faire du pixel art, ou la plupart d'entre nous, on sait c'est quoi du bon pixel art, on sait comment en produire, on est comme au courant de la production de tout ça. Oui. On est rendu c'est votre spécialité, avec ça. Là. Let's go avec c'est une spécialité. Là. Fait que c'est une des raisons pour ça, puis aussi qu'on sait que ça, vu que c'est notre spécialité, on sait comment ça marche, ça nous coûte moins cher, on peut estimer comment que ça nous coûte, puis comment que ça va être du temps à produire, exact. Tout ça. Oui. Fait qu'il y a des considérations pratiques en plus de celles qui sont artistiques, on aime sincèrement ça. Mais comme je viens de dire, t'sais, une affaire d'un jeu weird digitalisé, ça serait vraiment le fun. Mais t'sais, on non, non, a tu aucune peux pas te permettre ça. Tu peux on pas a te permettre ça. Qu'est-ce que ça prendrait pour. Ouais, exact. Il faudrait virer tous les artistes, je pense. Je sais pas ce que ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimerais mais non, ça. Non, mais non, tu leur mets un sou puis tu prends ce masque, mets-le, on va te filmer. Mon cap. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais ça qu'on parle d'argent sans vous mettre mal à l'aise. Comment j'ai 10$ dans les poches de mes. Parfait, va m'acheter une grosse roue de bille. Comment ça fonctionne, tu sais? Là, entre deux jeux, tu sais. Attends, c'est parce qu'il y a quand même un moment. La chanson de Robert Charlebois, entre deux jeux, oui, super. Le business grossit. Là, vous êtes 10 employés. Avant, c'était pas le cas. Vous étiez moins. Comment survivre pour une compagnie, pour des développeurs indépendants entre deux jeux? T'sais? Mettons, si on part de Wizorb. Avant Wizorb, vous étiez combien? Genre 3? Ouais, pendant Wizorb, on était 3. Puis, dans le fond... Là, c'était plus en mode survival. Ouais, là, c'est ça, vous viviez sur vos économies, vous disiez, Chris, il faut que ça marche. Ouais, on avait pilé de l'argent pendant un certain temps, puis on vit là-dessus. Il faut que le jeu sorte le plus vite possible, puis qu'il ait le plus gros succès. Fait que là, quand Wizorb est sorti, ça a généré assez de revenus pour vous dire, OK, là, une place où est-ce qu'on devrait investir, un employé qui est capable de faire cela va nous permettre de développer le prochain jeu qui sera Mercenary Kings. Ouais, ben ça s'est pas déroulé aussi bien que ça. Je dirais. Ah, ben moi je dis ça tout bonnement, ouais, comme ouais. Ça allait bien, mais c'est pas bien partout. Non, là, t'es stressé tout le temps. Là, non, non, mais Wizard, ça, on le vendait à 3$, là, puis on l'a vraiment vu comme une carte de visite. Là. On voulait que ouais. Le plus de monde puisse jouer au jeu. Puis après ça, apprendre à connaître Tribute, fasse confiance, puis que on se fasse comme une communauté, une famille, disons, autour de Tribute. OK. Il y a des rapporteurs de IGN qui disaient comme j'ai Wizorbé mes amis, ça veut dire ouais. Qu'ils achetaient Wizorb à wow. 5 de leurs amis parce que ça coûtait tellement pas cher. Genre. Ah ouais. C'est cool ça. Ouais, exact, c'était rendu un verbe pendant un certain temps, mais surtout dans les Steam Sales, là, puis quand il est comme à 50% off. Là, donc il est comme une pièce et demie. Pièce et demie. Le monde était comme j'ai juste en acheté 30, là, puis j'ai tous mes amis l'ont déjà, là, donc je sais plus quoi faire avec. Mais bon, ouais, donc finalement. Après ça, pour ça nous a permis de, comme, disons, être encore plus longtemps en mode survival. OK. Puis là, c'est là qu'on a fait un Kickstarter pour... Ben oui, c'est vrai. C'est pour vrai. Aller chercher un peu d'argent puis embaucher un autre programmeur. Exact. Puis là, ensuite... Mais je pense que c'est important de noter que t'sais, l'argent de Kickstarter, ça ne va pas sur nous autres. Il y a une partie qui va à Kickstarter, puis il faut que tu penses les goodies, ça, des affaires, c'est pas magique, le jeu. Ça, non, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Là. Non. Puis c'est quand même de la jeu. J'imagine les trucs physiques que vous en aviez. Puis, ça coûte cher. Ouais, vous auriez dû voir nos bureaux là, quand on envoyait tous les t-shirts. Là, c'était une grosse usine là, de. On de remplit tube, des boîtes. De t-shirts. Ouais, exact. Puis on envoie tout ça. Je pense que. Le livreur de Post Canada c'était comme son nouveau high score là, du nombre de colis qu'il a. Il était un peu découragé. Tu sais, faut que t'achètes une genre de patente pour sceller le plastique des ouais. Copies physiques, toutes ces affaires-là. Des affaires que tu penses jamais acheter dans ta vie. Ah ouais, ouais, tu te retrouves avec tout ça, ouais, j'avoue. Mm-hmm. Ouais. Mais donc là, on a développé Mercenary Kings. Toujours en vivant sur des réserves personnelles ouais, d'argent, exact, là, légèrement généré par Wizard. Mais... juste assez pour manger des nouilles ramen, craft dinner quand on filait wild. Là. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, on était un petit peu plus serré, donc là, on a profité de la nouvelle plateforme Early Access de Steam. Donc, on a sorti le jeu incomplet. Donc, il y avait 60 missions sur 100. Ouais. Puis, on a pu finir la production du jeu avec les revenus que Early Access okay. Ont générés. Wow. Puis là, après, quand le jeu est sorti officiellement, ben là, on a eu un autre boost de vente. Puis, on a sorti sur PS4 à ce moment-là. On a fait le deal PS Plus. Mais c'est ça. C'est là que l'argent est rentré pour vrai. Ouais, ben c'est là en qu'on tant qu'entreprise. On a pu commencer à dire que. On upgrade, je sais pas, notre. On change notre de bureau, diète, on là. Engage des gars un peu. Ouais, puis, ouais, on upgrade au moins au ballonné. C'est ça, au moins au ballonné. Faut mentionner. Au ballonné fumé, même. Je me rappelle que t'avais tweeté ça comme que ça fait pas longtemps que le jeu est sorti ou quand il est sorti. C'est quand il a dit. T'as dit que c'était la décision, une des décisions les plus difficiles que t'as pris dans ta vie. C'était, tu sais, de chez. Une fois qu'on s'entend comme on a mentionné tantôt, PlayStation te donne de l'argent en échange de ton premier mois de vente. C'est estimé, c'est quoi ce mois de vente-là? Fait que, tu sais, tu te demandes combien d'argent tu peux avoir, puis j'imagine que tu dépenses ça à Jeff. Tu es comme, qu'est-ce qui arrive si il aurait pu me donner 50-100 000 piastres de plus, puis tu sais, fallait que tu vraiment t'ostines ces affaires-là. Parce que, tu sais, ces montants-là faisaient la différence entre la vie de la compagnie pour, tu sais, 2-3 ans de plus. Exact. Ouais. C'était le premier mois que vous aviez estimé des ventes. Ouais, parce que ça durait juste ça dure un mois, mais en même temps, ben, en général, les jeux, tu fais comme le gros de tes ventes le premier mois, là, ou peut-être le premier deux. OK, mais c'est ça, c'était le premier mois, effectivement. Vous étiez live, vous étiez déjà sur le PlayStation Plus, ou vous avez fait un mois? Ouais, non, c'est ça, c'est la minute qui est tombée sur le store, sur PlayStation, il était gratuit. OK, ouais, donc, c'est ça, là, c'est donc, bien plus dur. On fait pas estimer... C'était pas d'historique, là, pour être basé. On savait pas... combien de personnes ont PS Plus, ils voulaient, ils nous ont dit que, parce que maintenant pour jouer online, il faut absolument que tu aies PS Plus, ouais. Donc il y a plus de conversions à PS Plus que sur la PS3, mm-hmm. Donc en même temps c'était quand même tôt dans la vie de la PS4, donc ouais. on savait pas non plus combien de PS4. Il fallait vraiment deviner. Là. Puis, justement, on était vraiment au début de cette console-là. Ben oui, ouais. Tu sais pas, tu fais confiance vraiment. Puis, heureusement, on avait sorti le jeu sur Early Access sur Steam. Donc, on avait quand même une petite idée de qu'est-ce qu'il pourrait potentiellement faire comme revenu. Donc, ouais, c'était vraiment difficile là, comme décision. Là. Je le regrette pas, là, mais ouais, non. Ça a marché. Vous avez généré des revenus, tout le monde. Donc on a juste éliminé le risque pour ce jeu-là, puis on s'est dit les prochains jeux, on fera peut-être pas ce gamble-là. Ça vous a donné assez de fonds pour être capable de développer un prochain jeu, qui est quand même, je pense, un petit peu moins complexe, ben d'envergure que Mercenary, Curses and Chaos. Au niveau de la grosseur du jeu. Ouais, ça a dû être quand même moins long à produire comme jeu. Là. Ouais, mais ça c'est peut-être un fun fact. Là. Mais Curses and Chaos, on a commencé à travailler dessus avant Mercenary Kings. OK. Donc, entre Wizard puis... Je pense que Pat m'en avait parlé de ça. Oh, Wizard puis Mercenary Kings, on avait comme un genre de moment où on travaillait sur des parts de Wizard, tout ça. On a comme fait une petite équipe de deux qui commençait à travailler sur Curses and Chaos. Puis là, maintenant, on s'est vraiment décidé, OK, faut vraiment comme focusser sur Mercenary Kings, là, notre prochain gros jeu. Puis là, c'est là quand Mercenary Kings, on a terminé de travailler dessus, mais on est retourné sur Curses and Chaos pour le compléter. Là. Mais avant de sortir Curses and Chaos, entre Mercenary et Curses, il y a quand même un laps de temps. Laps de temps dans lequel vous avez comme engagé du staff, quand même pas mal, parce que je les connais un peu, pour comme continuer de pousser à business. C'est les revenus de Mercenary qui continuent de rentrer comme ça, qui payent ça, genre? Ouais, je suis quand même surpris, puisque le long tail qu'on appelle, là, les ventes résiduelles, ils se maintiennent quand même avec Mercenary Kings. Là, donc, c'est régulier, il y a du monde qui achète ça à toi et moi. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on sort un nouveau jeu à Metal Curses and Chaos, le monde va tout acheter, les autres vont monter. Le monde, c'est ça, ils connaissent pas nécessairement notre back catalog, nos jeux. Donc ils vont aller acheter Wizard, ils vont aller acheter Mercenary Kings. Un bon exemple que j'ai pour ça, quand Motley Crue ont sorti Dr. Feel Good, Too Fast for Love, puis Shout at the Devil sont tombés platinum. Et voilà. Belle analogie. C'est beau, hein? Ouais, mais en musique, quand tu sors de quoi, ça. Ben, c'est ça. Tu retournes dans le catalogue du groupe ou du développeur, puis t'achètes toutes les autres affaires avant parce que t'es curieux des essais. Bleach de Nirvana, pas mal. C'est comme si les MTV, les VMAs, puis que tu vois un artiste, c'est comme ça. Hey, c'est vrai que c'est bon, ça tourne. Le lendemain, il y a plein de monde qui achète sa discographie. Exact, exact. Ouais. Ça, c'est cool. Ça marche tout le temps. L'autre truc qui est intéressant, c'est qu'on a fait un Humble Bundle. Donc, pendant deux semaines, le monde pouvait acheter le jeu au prix qu'il voulait. Puis vu que c'est un jeu co-op, il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, je sais pas, il y a quelqu'un qui achète le jeu, puis il va essayer de convaincre ses amis. Ouais, c'est vrai. Achète-le, on va jouer ensemble, c'est cool. Nice. Fait que ça marche demain. Ben oui. Ouais. Cool. Puis là, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain jeu ou il n'y a rien à dire là-dessus encore? Il y a un autre code. Ouais. Mais c'est pas Ninja Senki DX, là. C'est autre chose. Ça peut sortir dans l'avenir, mais il y a un autre code qui a été dit et entendu. Le nom de code, c'est Space Pirate. Oh! ouais, c'est vrai, Pat me l'avait dit. On dirait un jeu de Game Dev Story. peut-être. J'avoue que c'est pas mal le cliché. Mais non, c'est. Je peux juste glisser un mot là, c'est un roguelike. Ok. Donc. Ouais, très populaire à ce temps-là, ce style-là. Ouais, puis c'est un style qu'on n'a jamais vraiment touché. Là. On est vraiment bon dans les side-scrollers, beat'em up. Puis là, roguelike, c'est assez intimidant. Là. Ouais. Justement, je parle de The Swindle à soir qui est un roguelike, puis c'est rough. Ouais. Parce justement, tu peux pas. Il y a des choses qu'il faut que tu prévois, même si c'est imprévisible. Puis c'est ça qui a l'air difficile dans la programmation d'un jeu comme ça. Ouais, exact. C'est qu'il faut quand même que tu génères beaucoup de contenu pour avoir une bonne idée de est-ce que ça va être un bon jeu. Ouais. On dirait que toute l'expérience du jeu doit être là pour vraiment comprendre que ah ouais, on a vraiment quelque chose entre nos mains là. Ouais, donc c'est vraiment Curse and Chaos après un tableau, mettons, vous aviez fait un petit démo là, puis c'était dit ouais, il y a quelque chose là. Ouais, c'est okay. Ça. L'autre, il faut que tu développes du stock. Ouais, c'est ça. Ben, ça t'es rendu à moitié, t'as long. Dépensé tout ton budget, à moitié ton budget. Ça marchera pas. Ouais, finalement. On fait Golden Axe 4 à la place. On achète la licence. On kick des nains. Tout le long. Il y en a des nains de Golden Axe dans Curse of Chaos. Toi, t'es pas vu parce que t'es pas bon. Ils volent ton argent, sti. Ils prennent un hit puis tu leur piques leur cash, man. Ça, c'est un bout de clin d'œil, j'ai oublié de le mentionner. C'était très drôle. Tu les as vus, hein? Toi, t'es rendu bon à jouer. Je suis pas payé, je m'en ai pas payé. On jouera ensemble, man. On va tout torcher. On va faire ça au Weekend Gaming. On va le passer le jeu à deux. Hey, Chris, oui, man. Chris, oui. Hashtag Chris, oui. Mais ouais, c'était vraiment facile dans un roguelike de te planter. Là. Si l'aspect roguelike, tu sais, il accroche pas, là. Ouais. Ça passe, là. C'est Rogue Legacy. Moi, j'ai vraiment trippé. Hey, moi, j'ai capoté là-dessus. C'est pas mal mon meilleur que j'ai joué. Ouais, c'était, le dosage roguelike était juste parfait. Là. Ouais. Quand même progresser un petit peu, là, donc c'est quand même intéressant. Ouais, mais c'est surtout que moi, une affaire que j'aime beaucoup dans ce type de jeu-là, c'est les récompenses. J'aime ça quand on te récompense sans arrêt à toutes les fois que tu joues. C'est comme on te donne tout le temps quelque chose, on t'en donne pas tant que ça, mais juste assez de continuer tout le temps. Ben, tu vois, c'est ce que je trouvais qui manquait un brin dans Curses and Chaos, mais qu'on va probablement retrouver dans votre prochain roguelike game. On le souhaite. Il risque d'être brutal aussi comme. Ouais, ça j'en doute pas. Tout est brutal chez vous. Je me demandais justement le Curses and Chaos, c'est qui le meilleur joueur dans votre équipe? Ouf. Ben c'est définitivement le testeur. Okay. Ouais, notre testeur Olivier, lui, il développait des techniques qu'on pensait pas être capable. Il faisait comme des triple jump kicks, puis on était comme ah ben ouais, ça, on dirait que tu peux faire ça. Ouais, en montant un kick, puis un. Ouais, en descendant, tu fais des doubles puis des triple jump kicks. C'est vrai. Et c'est ça. Fait que c'est cool, ça. Tu peux avoir des surprises, même quand c'est toi qui as inventé le jeu. Ça... Ouais, c'est vraiment incroyable, parce que même cette technique-là, je suis même pas garde à faire. Là. Lui, il est garde à faire. Wow. Là, mais c'est comme le monde qui faisait des arcades dans le temps, qui programmait fucking Defender, tu sais. Il y a du monde tellement maniaque qui essaye de trouver, de fucker le code en arrière, tu sais, puis qui essaye d'aller dans la tête des programmeurs, puis de faire des façons autrement. C'est le même qui ont des high scores, tu sais. Ouais. Fait que vous avez des bons testeurs, j'imagine, qui font ça. Ça se passe bien, ça se passe bien. Y avait-tu des fun facts? Oui, j'en ai deux. Yeah. J'en ai trois, en fait. On va les faire avant la pause. Parle-nous ça avant la pause. Parce que j'en ai un que je vais avoir besoin des deux gars de tribute. Fait que je vais changer la musique. Let's go! Alors, pas de thème aujourd'hui, les fun facts. Là. C'est quand c'est difficile à trouver les fun facts, fait que je mélange ça. Au départ, Mario de Super Mario Bros. Devait s'appeler Mr. Video Game. Saviez-vous ça? Mr. Video Game. C'était son nom de départ au début. Finalement, on a changé d'idée puis on a décidé de donner le nom du propriétaire de la première bâtisse de Nintendo, Monsieur Mario Siegel. Oui. Bon choix. Mario Mouette. Ouais. Mario aussi. Ben, parlant de Mario, justement, saviez-vous qu'il existe un croisement entre les jeux de Mario et la série Halo? Hein? Légal? Jen Taylor, qui fait la voix notamment de Peach et puis de Toad dans plusieurs Mario, est également la voix de l'héroïne féminine de Halo, Cortana. Wow. Les choses qu'on apprend. Puis dernier truc, ça a l'air que comme Konami, Tribute aurait un Tribute Code entre guillemets. Pouvez-vous nous en parler un peu? Est-ce que c'est public ça? Ça a-tu déjà été trouvé? Mais c'est ça, je suis vraiment triste. Il n'y a personne qui personne a trouvé, l'a trouvé encore. Mais pour l'instant, il se retrouve juste dans Mercenary Kings. C'est ça que personne l'a trouvé, il est juste dans un jeu, tu peux pas dire que c'est le Tribute Code. On l'a baptisé le Tribute Code là. Pensez-vous le ramener dans un autre jeu, ce code-là? Notre place, c'est de le mettre dans tous les jeux là, mais on a fait de réel. Une chaos là, je sais pas ce qui est arrivé, là, on a eu un moment de faiblesse là, mais... Ouais, donc je sais pas si on devrait le dire, c'est quoi le code là? Est-ce que ça, on garde ça secret? C'est pas le Konami Code, c'est un autre code. Non. C'est un autre code? Ah, dis-le donc. Ok. Donc, là, il faut pas que je me foire, là, parce que sinon, j'en ai l'air vraiment vite. Mais c'est gauche, droite, en haut, en bas, triangle X. Et là, après ça, il faut que vous devinez c'est où qu'on doit l'utiliser. À quoi ça sert, OK. Ouais, exact. Dans le title screen, pendant que tu payes sur pause. C'est comme une prière, tu la fais quand tu peux, puis tu vois ce qu'il y a. À un moment donné, ça paye. Ou pas. Ah ben voilà, c'est comme ça, les prières, hein, tu sais. Ah, oh, c'est cool ça. Alors, c'est cool, ça. Ouais, merci, merci du secret. Merci. Ouais, merci d'avoir dit ça, c'est très cool. Fait, GamePro ouais. existe plus, mais vous avez vos tips à Retro ouais. Nouveau. Alright. Alright. Fait que, écoute, on va aller à la pause. Ouais, on va aller à la pause. Ouais. Merci beaucoup, les boys. Hey, merci. C'est bien intéressant d'apprendre autant de choses sur tout cet univers fascinant mm-hmm. qui est votre business. Mais félicitations. Ouais, c'est pas rien de réussir à construire quelque chose comme ça et puis de se ramasser sur le stage pour du E3 pour présenter ça. Et puis de fournir de l'employage au Québec. Non, ouais. Ben, ouais. Non, mais on ouais. rit, là. Mais Chris, ouais, man, 10 employés, c'est pas rien, là. T'as des payrolls, là. Ces gars-là, ouais. man, ils ont leur paye à tous les deux semaines, là. Ouais, t'as combien Même d'employés, moi, toi? J'ai pas ça. C'est ça. C'est... fait que c'est, ça prend... ça faut être solide. Faut être solide. Puis faut connaître le monde des affaires, puis être tight. Puis vous réussissez ça de façon merveilleuse. Ouais, et puissant. Merci. Keep it up. All right, pause. Let's pause. Go. Donc, yes. Et ho, fait qu'on est de retour. Yep. Puis moi, je vais vous faire une critique d'un jeu qui a été remasterisé. Les rééditions, il y en a beaucoup de ce temps-là. Gears of War Ultimate Edition. C'est un jeu, en fait, sur Xbox One. Il est exclusif à la Xbox One. Ils ont pris le jeu de 360 puis ils l'ont refait en beaucoup plus beau. En fait, c'est ça. C'est pas un jeu... c'est pas des petites textures qu'on a ajoutées à gauche et à droite. C'est vraiment un jeu qu'on a refait au complet. Toutes les scènes pré-rendues, dans le fond, les cutscenes, ont toutes été refaites. Même, il y a des angles différents de caméra et tout ça, si on compare avec l'original. C'est vraiment pas la même chose. Puis aussi les environnements. Les environnements racontent beaucoup plus d'histoires que la version originale. Donc vraiment, côté historique, côté présentation, on a vraiment léché le jeu puis on est vraiment rendu à la version optimale. Pour ce qui est du gameplay, ben franchement, il y a des choses qui ont pas changé avec le temps. Moi, le côté combat corps à corps, j'ai quand même eu de la misère avec ça auparavant. Puis là, dans celui-là, je remarque encore les mêmes problèmes. Des fois, quand tu as ta chain ça sur ton gun puis que tu essayes de trancher un ennemi, ben, de débiter un ennemi, c'est pas toujours évident. Fait que c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça plate. Ça n'a pas vraiment été arrangé. Aussi, des fois, il y a des endroits où il y a des déclencheurs, finalement, pour la prochaine scène ou pour le prochain événement. Mm-hmm. Puis que si tu n'es pas à la bonne place dans la carte, ben ça se déclenche pas. Puis tu sais pas où est-ce qu'il faut que tu ailles exactement. Il n'y a personne qui te le dit. Fait que là, tu es un peu mêlé. Tu reviens sur tes pas dans la carte puis tu trouves pas ce que tu fais. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça embêtant que ça n'ait pas été réglé. Mais en même temps, c'est ça. C'est comme les mêmes problèmes qui sont pas revenus. Mais j'ai pas eu de problème de pop-in, de texture ou des problèmes de performance. Tout ça, ça a vraiment très bien fonctionné comme jeu. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment un jeu qui va... c'est un jeu, en fait, qui est fait pour les gens qui aimaient déjà Gears, mais c'est aussi fait pour les gens qui connaissent pas la série. Je pense que c'est une très bonne façon de commencer à la connaître. Surtout qu'il y a un deal, il me semble, avec quand tu achètes cette version-là, tu peux avoir les autres jeux de Gears of War gratuitement à l'aide d'un coupon. Donc, c'est vraiment un bon deal, c'est une bonne offre. Pour le multiplayer, ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que justement, la Xbox One est tellement plus rapide, plus efficace que pour le jeu en ligne aussi, ça a amélioré l'expérience. J'ai pas eu de problème de matchmaking, j'ai pas eu de problème du tout de ce côté-là. Il y avait en masse de monde aussi pour jouer. J'étais assez surpris parce que je me suis dit, ressorte un vieux jeu, puis les gens qui ont une Xbox One, y a-tu beaucoup de monde qui ont une Xbox One comme c'est là? Mais non, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis les matchs sont vraiment rapides, saisissants, c'est vraiment le fun. C'est un très très bon jeu, je le conseille vraiment fortement. Je lui donne la note de... Je donne un 4.5 sur 5. Sérieusement, allez vous chercher ça, c'est un jeu qui est très fiable. Puis je suis pas généreux pour rien, Gears of War, c'est quand même un jeu qui a révolutionné le genre. Il y avait justement un bon système de couverture qui est devenu une marque de commerce, mais qui a aussi influencé beaucoup de genres, beaucoup d'autres jeux. Fait que c'est un jeu important. C'est important d'aller voir nos racines des fois. Ah oui. C'est bonne vieille racine. Les bonnes vieilles racines. Puis parlant de racines, toi, t'es allé jouer dans un carré de sable. Ouais, ouais, moi j'étais allé jouer avec des jouets, en fait. C'était super remémoratif de notre enfance, en fait. On parle de Toy Soldier War Chest. Oui, monsieur. Donc, ça ici... Là, j'aime ça, War Chest. Bon, là, on va faire le commentaire tout de suite. Il n'y a pas d'ouïa. Il n'y a pas d'ouïa. C'était... non, je suis désolé. On s'excuse aux trois auditeurs qui ont la ouïa. Donc, 3 sur 10 000. Ouais, c'est ça. On est désolé que vous l'ayez. Oui, exactement. Donc, oui, ça aussi. Alors, ça, c'est sur PS4, Xbox One et PC. Ouais. Windows. Il n'y a pas de port Mac. Donc, ça ici, dans le fond, là, la prémisse, c'est quoi? C'est, imaginez Toy Story, là, un petit peu pour adultes, là, dans un sens. Non, il n'y a pas de sexe. Non. Ah, mais on le sait ce qu'Andy fait quand il n'est pas dans sa chambre. Exact. Puis, au début, tu vois, il y a des enfants qui s'amusent dans leur chambre, en fait, de façon tout à fait innocente. Puis là, ils s'en vont. Puis dans le fond, ce que tu penses, c'est que la nuit, ben, il y a des armées de jouets qui combattent entre eux, tu sais. Puis là, on peut voir à l'écran, tu sais. Dans le fond, il y a des armées, 4 armées, je te dirais génériques, là, qui viennent avec le jeu de base. Donc, okay. Tu as un genre d'armée allemande, de la Première Guerre mondiale. Tu as une espèce de... Bon, les Phantoms, ça ressemble beaucoup à l'univers StarCraft. Okay. T'as Rainbow Star, qui ressemble à Rainbow Bright avec des Kalinours. C'est un genre de mélange d'affaires. Elle lance des fées. Des pouliches. Des pouliches, ouais, c'est ça. Il y a des Pégases là-dedans. Puis, une espèce d'héros, je dirais... plus médiéval d'aventure, de style Donjons et Dragons. Là, donc, okay. Certains de ces unités utilisent des dés là, à 8 faces. Non, ouais. 10 faces, puis let's go. C'est cool, donc, c'est des beaux clins d'œil quand même. Oui, il y a des beaux clins d'œil dans ce jeu-là. En fait, c'est vraiment un jeu qui joue beaucoup sur la nostalgie. T'sais. Ouais. Puis, d'ailleurs, He-Man est là-dedans. Ah oui, entre autres, là, on le voit présentement à l'écran. Légendaire. Il y a He-Man qui est présent. Tout. Ah ouais, tout est là. Là les unités de Warman, puis... le nom du tigre, Dom. J'ai oublié le nom du tigre, mais bon. Je sais que le maître d'armes, en français, il est là, en tout cas. Ouais, ils sont toute une gang de maîtres d'armes. Il y a quand même donc He-Man qui est là. Tu as aussi les G.I. Joe. Donc, ouais. C'est Duke qui mène cette armée-là. Hey. Tu as les Cobras, donc c'est Commandant Cobra. Ouais. You're fool! Ouais, exact. Et le dernier des armées spéciales. Les GoBots. Non, c'est pas les GoBots. En fait, c'est. Moi, je veux pas les Transformers, je veux les GoBots. Assassin's Creed. Les robots sont stiffs. La version Kmart. Mais ça parle des GoBots. J'ai été surpris. Saviez-vous que les GoBots, la marque de commerce, a été achetée par les Transformers? Ah ouais. Puis qu'il y a maintenant des Transformers GoBots? Non. Wow. Vous irez voir ça. En fait, moi, j'ai me suis trouvé une nouvelle passion. Quand tes deux mondes, c'est comme les deux pyramides deviennent ensemble. C'est comme si les Hells achetaient les Rock Machines. Ouais, genre, tu sais, ou genre les Red Sox de Boston merge avec les Yankees. Là, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Donc, en tout cas, c'est ce qui se passe. Allez voir ça. Alors, on revient au jeu. Donc, ça, c'est un jeu de tower defense, type aussi stratégie. Puis, okay. Il y a aussi des portions de jeu à la troisième personne. Alors, de la façon dont ça fonctionne, bon, tu as une armée ennemie qui arrive et qui veut envahir ta base. Ta base, c'est une boîte de jouets. Donc, chaque unité qui rentre dans ta boîte de jouets te fait perdre des points. Tu commences à 100, puis quand tu es à 0, tu as perdu. Donc là, tu mets des tours, différents types de tourettes. On peut avoir des tourettes anti-infanterie, des tourettes anti-véhicules. Des fois, tu peux mettre des balises anti-aériennes. Tu as même certains espèces de méga canons là, dans une de leurs armées. Elle s'appelle la Big Bertha. Elle est vraiment, okay. C'est vraiment très puissant. T'sais. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect défense. Quand tu t'en vas, tu as l'option de jouer de façon stratégique, donc vue de haut, en isométrique, mais tu peux aussi rentrer en third person. Fait que tu peux dire, je prends le contrôle de cette tourette-là, okay. Et je vais tirer des ennemis. Ce que ça te permet de faire, en fait, c'est ça va monter un jauge spécial qui est à la gauche qui va te permettre de débarrer, accéder à certaines nouvelles ressources comme un héros, comme un bombardement aérien. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile, en fait, de réussir à augmenter ce jauge-là parce que ce okay. jeu-là fonctionne par vague d'ennemis. Puis dans une vague, tu sais, c'est difficile de le monter. Puis entre les vagues, ben il descend très très vite ce jauge-là. Okay. Donc tu peux accélérer les vagues, tu as une option là, dans le jeu. Je pense que c'est vraiment l'option que tu dois faire pour avoir accès à cette ressource-là. Une fois que tu as la ressource, ben là, elle est vraiment le fun. Tu la contrôles en third party, en third person. Donc tu tires dans le tas ou comme j'ai dit, tu commandes un barrage aérien. Donc tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire, mais c'est difficile d'accéder à ça, tu sais. Est-ce que tu as trouvé que les contrôles fonctionnaient bien? Non, moi quand j'étais en troisième personne, j'ai pas trouvé qu'ils étaient spécialement bons, les contrôles. Okay. Ils étaient corrects, puis spécifiquement, tu sais, il y avait des petites lacunes une fois de temps en temps. Et quand tu arrives dans les unités volantes, véritablement, là, ça se contrôle ça pas bien. Pas, non, tu sais, il y a quelque chose d'un petit peu maladroit dans tout ça, tu sais. Okay. Donc ça m'a un petit peu moins plu. Un autre bémol par rapport à ça, tu sais, c'est souvent... On parle d'un petit environnement, c'est une carte vue de haut, t'sais, isométrique, c'est très restreint comme environnement. Puis j'ai trouvé des bugs quand même de collision au niveau du plancher, t'sais. Mes unités rentraient dans le plancher, il y avait aussi, t'sais, mettons, un véhicule qui passait au travers un pont. T'sais. Ça, j'ai trouvé un petit peu décevant, t'sais, surtout que c'est un petit environnement. T'sais. Je peux pardonner ce genre d'erreur-là dans un open world où... T'sais, là, je sais pas combien d'heures de contenu là, de grandes maps, mais ouais. Ça, c'est des maps très très petites. Elles sont quand même assez intéressantes. Le jeu lui-même offre un bon challenge. Le ramp-up de difficulté est intéressant. Vous allez mourir à certaines missions, la réussir par la suite. C'est bien fait. Il y a quand même une certaine progression qui est possible. Comme j'ai dit, il y a 4 armées de base, puis il y a 4 armées qui sont soit achetables en DLC ou disponibles dans la version premium. Là. Okay. Toutes les armées qu'on veut, dans le fond, là, Commandant Cobra, les He-Man, etc., ben, ils sont soit dans la version premium ou payante. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que beaucoup de la pub de cette franchise-là était faite. C'est ça, moi, je voulais jouer pour ça. Exact. Ouais, mais tu sais, He-Man, ça va être cool. Mais ça va faire que tu achètes soit le DLC ou la version un petit peu plus... élaboré et dispendieuse. T'sais, c'est pas un jeu qui est très très cher dans sa version, mettons, premium, peut-être un 35$. Là. Okay. Donc ça, grosso modo, j'ai eu du plaisir à jouer. Ça va vraiment plaire aux fans de Tower Defense puis de Strategy Game. Mais il y a quand même des petits choses qui m'ont dérangé. T'sais, comme j'ai parlé des bugs de collision, mais il y a aussi au niveau de l'esthétisme du jeu. T'sais. Alors, c'est un jeu PS4 que moi, j'ai joué cette version. C'était pas si... t'avais pas l'impression d'être dans le next-gen. Non, tu sais, ça aurait pu être un PS3, en fait. Puis il y a même certaines animations là, qui sont comme un 2D. Là, ça ressemble à une animation flash. Okay. Ils m'ont déçu au niveau de la qualité, tu sais. Okay. Fait qu'il y a des petites choses comme ça que j'ai trouvé moins intéressant. Il y a un mode multijoueur, il y a un mode co-op. Ça peut être intéressant. Il y a aussi des missions spéciales qui sont disponibles à chaque semaine, donc hebdomadaires. Alors, ça, c'est un côté intéressant qui amène une rejouabilité. La campagne, c'est un bon 20 heures là, quand même là, qu'on peut investir là-dedans, plus le reste. Il y a du contenu, mais comme j'ai dit, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Fait que, grosso modo, je pense que c'est un jeu qui est satisfaisant. Pour cette raison, je lui donnerais la note de 3 sur 5. Donc, je recommande aux fans de Real-Time Strategy et Tower Defense. C'est pas un jeu pour tout le monde. Mais il est pas parfait, mais vous allez quand même trouver du plaisir. Moi, j'ai quand même eu du fun à jouer à ça. Je trouve ça cher. Il y a une version, la version de base est comme une quinzaine de dollars. Là, ouais, mais moi, je veux parce que tu disais 35. Ouais, 35 pour He-Man. Ça, c'est la version avec He-Man. Si tu veux He-Man, mais tu peux aussi acheter, je pense, les DLC. Il faut aussi acheter des jouets. Deux armées, c'est 5 dollars. Il faut aussi acheter des jouets He-Man. Papa Château Grayskull, il est cher. Man. Contactez Papa Figurine. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça là, Papa Figurine, waouh. Ce serait le fun, ça. Des beaux jouets lavés à l'eau de Javel. Je récupère. Je prends mon stock dans la garderie. Exact. C'est ça. Tu veux pas des boutons dans la bouche. Là, tu sais, l'eau de Javel, pas le choix. Colin, des jokes de pieds mains bouche. Fait que toi, donne. On est bien crampés parce qu'on a des enfants et on sait de quoi on parle. Ouais. Du GF, oh my god. Moi, je suis fatigué, c'est correct. Moi, je suis pas fatigué. Moi, j'ai rien, c'est Bruno qui a un deuxième. Moi, j'ai un deuxième petit quickie pour vous autres. The Swindle est un jeu que j'ai joué sur. Ça la donne tout le temps pendant toi. Tout le temps, moi. C'est malade. C'est ça, fait que c'est un jeu, ça. J'ai joué à ça sur Vita parce que la Vita, man, moi j'aime ça. La Vita, c'est ta vie. La Vita, c'est ma vie. C'est ça, puis de Swindle, en fait, là-dedans, c'est un jeu qui se passe dans un environnement un peu steampunk où on incarne des voleurs, puis ces voleurs-là vont aller cambrioler des maisons. Dans ces maisons-là, il va y avoir des espèces de petits policiers robots. Puis plusieurs autres robots qui vont essayer de nous empêcher de voler l'endroit. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste aller ramasser de l'argent et de l'argent et de l'argent pour pouvoir mettre à niveau notre personnage. C'est un jeu qui est procédural. Donc tantôt avec Tribute, on en a parlé. C'est un jeu qui est procédural. Donc toutes les parties qu'on va commencer vont être différentes. La maison est jamais pareille. Les environnements sont jamais... les robots sont jamais aux mêmes endroits, puis les murs et les planchers sont jamais aux mêmes endroits. Est-ce que ça marche bien quand même, tu sais? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que ça fonctionne bien, sauf que c'est un jeu qui te montre très rapidement que t'as pas le choix d'avoir des améliorations pour certains niveaux. Comme des fois, le niveau procédural fonctionnait, puis une autre fois, il fonctionnait pas du tout parce que là-dedans, il faut que tu ailles pirater des ordinateurs pour avoir des gros montants d'argent. Ces ordinateurs-là sont dans des pièces précises dans la maison. D'ailleurs, tu n'as pas de carte. Tu peux juste comme essayer de voir à peu près avec ton champ de vision. Puis c'est ça. Quand tu vas arriver à cet ordinateur-là, des fois, il est bloqué dans une pièce qui demande des bombes pour ouvrir. Fait que des fois, ton personnage n'a pas encore de bombes. Mais le magicien procédural décide qu'il met ça dans une pièce où tu as besoin de bombes. Fait que là, ta pièce est barrée. Tu n'as aucun moyen d'y entrer. Puis là, tu fais comme « Christy, je suis venu ici pour rien. » Fait que là, tu repars. Ça serait pas dérangeant une affaire de même si tu avais des vies à l'infini. Mais dans le jeu, ça te met en situation en disant que dans 100 jours, il va y avoir une méga organisation qui va détruire tout ton empire. Fait que tu as 100 jours pour réussir à mettre ton personnage à niveau et tout ça, puis à voler le plus de baraques possible. Ça, j'ai trouvé ça dommage en Moses, parce que le temps que tu ramasses assez d'argent pour mettre à niveau ton personnage, tu vas déjà être rendu à peu près à une quarantaine de jours passés, parce que le jeu est extrêmement difficile, puis ça pardonne pas. Là. Là-dedans, pour te battre, tu as un bâton, that's it. Tu as un bâton, puis tu frappes avec ton bâton, puis les robots qui vont passer, ils vont avoir un champ de vision. Puis si tu rentres dans leur champ de vision, t'es fait, tu crèves. C'est quasiment automatique. Mm-hmm. Donc, t'as pas une grosse marge de manœuvre pour ça. Fait que c'est ça, tu t'en vas ramasser de l'argent, mettre ton personnage à niveau. C'est dommage, par exemple, qu'il y ait ces contraintes-là, parce que sinon, mis à part ça, le jeu m'a frustré, mais j'ai pas arrêté de jouer. J'y ai joué à tous les jours depuis que j'ai le jeu. J'ai vraiment du fun à ce jeu-là. Il est vraiment super le fun. Mais ces irritants-là font que tu peux pas l'apprécier à sa juste valeur. Puis des fois, il y a non seulement des robots puis des trappes qui sont là, mais des fois, tu as besoin d'un outil pour pouvoir les pirater, pour pas te faire pogner. Comme un moment donné, il y a une espèce de sensor qui est au plafond puis qui bouge de gauche à droite. Mais là, si tu rentres dans la pièce, t'es sûr de te faire attraper. Mm-hmm. Puis une fois que tu te fais attraper, en fait, l'alarme part, puis t'as comme 30 secondes pour sacrer ton camp dans ta navette jusqu'à ton... T'es comme dans un zeppelin, finalement. Fait que c'est ça, t'as juste un petit peu de temps, sinon la grosse police s'en vient t'attaquer, puis tu crèves. Mm. Fait que... En fait, c'est plate que tu n'aies pas les outils nécessaires pour passer le niveau. Puis c'est ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, tu te dis « Crime, je veux le passer le niveau, là, je dois avoir tous les outils vu que je suis dedans. » Mais non, des fois, tu n'as pas ce qu'il faut. Puis il n'y a personne nulle part qui va te dire « Qu'est-ce qu'il te faut pour passer ce niveau-là? » Il va falloir que tu le figures par toi-même. Non seulement faut que tu le figures par toi-même, mais faut que tu le figures avec le nombre de jours qui te restent. Fait que moi, j'ai fait 4 parties complètes où je suis passé de 100 jours à zéro, puis que j'ai juste pas réussi, que j'étais vraiment... Ouais, ma partie s'est terminée. J'ai trouvé ça vraiment plate parce que le fixe serait tellement simple pour eux autres, ça serait comme enlever la contrainte des 100 jours, puis sérieux, vous avez un Christy de bon jeu, là. Même avec ces erreurs, justement, niveau procédural, que c'est pas tout le temps bien organisé, ben, crime, t'as une nouvelle partie à toutes les fois, puis c'est le fun, c'est stressant, puis il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs voleurs avec une personnalité différente, t'sais. Le jeu a une facture visuelle vraiment cool, c'est un jeu qui est parfait on the go avec la PS Vita, fait que je trouve ça vraiment dommage. Malheureusement, pour cette raison, je lui donne un 3 sur 5. Sérieux, ce jeu-là aurait pu avoir là, un 4.5 facile, là. S'il avait enlevé ce côté-là, parce que j'ai pas arrêté de jouer comme j'ai dit. Mais essayez-le quand même, t'sais. Vous allez trouver votre compte parce que le jeu, il est le fun. Mais il est beau aussi. Il est beau. Ouais, c'est mais c'est extrêmement difficile. C'est fait pour le monde, justement, qui aime leur jeu. Vrai. violent. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que that's it pour ce soir, pour les critiques. Excellent. Ouais, on a réussi. Hey, je vois. C'était un vrai cauchemar ce soir pour moi à la technique. Là. Des épisodes difficiles avec les bugs. Ce soir, c'était spécialement un vrai bordel. Là, je vais vous dire. C'était là, quelque chose. C'est weird. L'Internet qui lâche, le logiciel qui lâche, l'ordi qui plante. S'il vous plaît, là, on peut-tu faire un show sans problème technique des fois? On est dû. Mais je regarde, là, il y a un fil débranché. Là. Attends. Ben, ça dépend, c'est quoi? Là? Ben, ça dépend. Ça faudrait lequel? Peut-être... Ben, je suis pas sûr que tu devrais. Mais non. Pas là-dessus!